Alright, donc, mesdames et messieurs, bienvenue au Geek Collectif, le podcast. Mon nom est André Paquette, accompagné ce soir du retour de deux bons bonhommes, de Guillaume Hamel. Hola, hola. Comment ça va, Guy? Ça va très bien, toi? Ça va. Avec ma nouvelle voix FM, grâce à tes talents de audio mastering. C'est fou, hein, mes talents de je pars tout le temps le stream, puis il y a tout le temps de quoi gosser, puis je repousse. Non, mais ça, c'est le juste début. Pour te ramener, genre, dans pour que t'aies l'air d'un humain, tu sais. Parce que s'il y a rien qui fuck, tout le monde saurait que t'es un espèce de dieu descendu du ciel pour répandre la perfection. Pour répandre? Répandre. Moi, j'aime ton choix de mots. Des fois, il y a comme des espèces de subconscient qui se fait dans ma tête, puis je m'en rends même pas compte, sauf quand c'est... On se rappellera un certain épisode avec les filles de Team Sailor Scout, où que certains choix de mots ont été plus ou moins judicieux. Ah, le live est interrompu sur Facebook et il vient de repartir, fait qu'il devrait pas avoir de problème. Excuse-moi, Guy. Donc, ouais, non, des choix parfois douteux. Je suis victime de mon subconscient, je crois. Mais je suis juste content que tu sois de retour, moi. Ça fait un peu content de, avec nous autres. D'être dans les nouveaux studios. Ben ouais, dans le nouveau setup. Là, on a eu la chance de faire ça avec Milter et Eric la semaine passée. Milter qui... a subi une opération au sinus, donc, et qui est présentement banni de Facebook aussi également. Encore pour yet again. Mais en fait, je pense qu'il a juste fait exprès parce qu'il se dit, tu sais, tant qu'à pas être capable de rien faire puis pisser du sang par mon nez, je dis, ben, je vais me faire bannir, comme ça va être juste un deux dans un. Mais c'est peut-être mieux de même aussi également, tu sais. Ouais, c'est vrai. Puis, on est accompagné également de ce soir de la nouvelle recrue, le nouveau officially patched ce soir. Welcome to SMC. Maxime Gagnon. Ça va bien? Ouais, toi? Numéro 1? Ouais. Ben, je dis numéro 1, mais avoir le nom de Piqueur le moustique que les mondes ne voient pas vraiment, peut-être dans le stream ou dans l'audio, ça va quand même pas siper malgré tout. Oui, c'est des moustiques qui sont arrivés dans l'Est de Montréal. J'ai passé deux fins de semaine dans le bois, l'humidité totale, c'était dégueulasse. So you asked for it. Non, les moustiques sont plus dans l'ouest de Montréal où il y a eu les inondations que tu quittes. Là, ça, c'est la style de Galles, là, désolé. Là. Ok, note à moi-même de pas aller dans l'ouest de Montréal. Ouais. C'est toi de l'île bizarre. C'est parce que le fuck, c'est que avec les inondations, ça crée de l'humidité des bébites maringouins, désagréables. Puis malheureusement, il y a comme pas plus d'oiseaux ou de d'amphibiens pour manger ces maringouins-là. C'est en train de dire qu'on devrait starter une culture d'amphibiens puis les envoyer dans le West Island pour pouvoir battre les bébites. Et Chris, mais moi, des grenouilles partout, là, puis des, je sais pas, man, on va se faire une genre de race de caméléons poilus, genre, qui résistent au froid, puis tant mieux. Genre. Cette semaine, au Geek Collectif, nous parlons science. C'est une couple de batraciens ou... Cool! Hey, guys! Fait que c'est l'épisode 95. Hey, tu me permets un shout-out? Comment ça? Un shout-out? Oui, ben oui. Mon grand-père vient de Cherry, le post comme quoi qu'on est live. Je sais pas s'il va nous écouter, mais s'il nous écoute, Jacques, bien à toi. Si tu nous écoutes, genre que je m'excuse d'avance. Oui, ça fait. Ça se peut que ça déborde un peu, là, exactement. Fait que Milton est pas là, Eric a pas pu se libérer non plus pour Because Work. Donc, on est dans notre rodage. D'habitude, on serait probablement les cinq autour de la table. Il va falloir que je me trouve une autre table en passant, parce que la journée, là, il va faire chaud. Cinq va faire chaud, puis on va être... Il y a peut-être une clim qui pourrait rentrer dans la petite fenêtre à côté. Je sais pas, ça fait-tu dans des genres de... Chose de caveau, ça, des climatisations. Ouais, comment il appelle ça? Une margelle, je pense. Ouais, une margelle. Ben, sinon, c'est pas grave. Regarde, écoute, t'es honnête. Moi, j'ai hâte à l'hiver pour ouvrir la fenêtre, tout simplement, pour faire genre Welcome to Home, Fred. Tu fais des batailles de boules de neige pendant un enregistrement de podcast. Non, ça. Non, non. Pendant que Milter se fait des sous-marins, pêche une boule de neige en dedans. Hmm. Oh boy, de la joie, de la joie, de la joie. Fait qu'à ce soir, guys, super simple, ben, on va aller avec la même formule que l'autre épisode avec les boys. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu toute la gang, fait qu'on va faire un show d'actualité, tout simplement. On va juste jaser entre nous autres, on va voir. On est chanceux, par contre, parce que il y a eu beaucoup de trucs intéressants, du genre San Diego Comic-Con. Juste ça. Fait que, tu sais, juste une petite convention vraiment, vraiment, vraiment intéressante. Plus petit que Montréal, ça a l'air, cette affaire-là. Ouais, c'est vraiment plus petit que Montréal. C'est vraiment une convention de pauvres. Ça coûte pas cher aller là. Y a rien qui se fait annoncer. Fait que, tu sais, on va avoir pas mal de sujets pour il jaser. Il faut pas 5-6 invités, dernière minute. Puis t'as pas besoin d'acheter tes billets, genre... un an à l'avance. Ben, c'est parce ça. Que sinon, il y en a juste plus. Ça. Fait que, tu sais, ça, c'est une convention de pauvres. Fait qu'on va en jaser un petit peu, tu sais, de leur donner de l'exposure par le biais de notre podcast totalement original québécois traitant sur la culture geek. Fait qu'il y en a pas 15 autres de même. Fait que, on va y aller d'une formule bien basique, guys, mais qu'est-ce qui s'est passé de bon avec vous autres, c'est en site? Ok, fait que là tu me vises pis c'est moi qui commande. Ben ça peut être toi, ça peut être Guillaume. Moi je me sens pas dire, je regarde même pas. Je suis en train de chercher mes notes. Ben écoute, pour commencer avec mon actualité vite vite comme ça, comme j'expliquais, je suis couvert de piqûres de moustiques, j'ai passé deux fins de semaine dans le bois à faire ce qu'on appelle communément des grandeurs nature. Pour ceux qui connaissent pas ça, bon, c'est le principe du gars habillé en chevalier qui tape avec des épées en mousse sur du monde en disant 2-3 coups électriques, etc. Attends, faut vraiment que tu cales ton coup électrique? Oui. Je comprends pas. Okay. C'est quoi un coup électrique? C'est genre, t'as mis un buzzer dans ton épée ou? Non. Non, c'est que là, t'as mis de la force électrique dans ton arme. Ok, comme si on peut déraper longtemps là-dessus, calvaire. Ben, écoute, oui, compte-toi chanceux, Milter, t'es pas là, fait que... Okay, non, c'est ça. Quand tu dis la force électrique, c'est genre, comme le mysticisme dans ton arme. On va s'en aller dans un terme RPG. Tu castes un spell dans ton qui arme. Va rendre ton arme électrique. Ou après être un fire. Tu vas faire des dégâts électriques. Okay, je comprends. Puis dépendant ta race, dépendant ta classe, dépendant tes malus, tout ça, ben tu vas avoir... T'es quoi, tes malus? Des malus. C'est quoi de malus? Malus, c'est debuff ou... Ok. Dans le fond, c'est quand tu parles en français, là, tu nous fuck tout. Ah, désolé, je t'ai dit que le QLF est pas un abonné au podcast. Fait que le malus, c'est un debuff. Okay. Ouais, ou bien une faiblesse quelconque, là. Ok. Fait que ça, faut que t'es call d'avance, genre. Quand... Ça marche quand même, mettons, tu sais, tu dis, présentement, avant de commencer le combat, tu dis au gars, j'ai un buff de speed, j'ai un buff de telle affaire, ou tu fais juste ça? Non. Pis... C'est... On pourrait quasiment en faire un épisode complet là-dessus. On va en faire un épisode complet là-dessus. C'est ça, parce que Guillaume en avait parlé éventuellement, mais grosso modo, c'est une question de confiance entre toi et ton adversaire. Puis parlant d'épisodes d'IGN, j'en connais déjà un qui serait intéressé, un organisateur d'IGN qui serait intéressé à être invité à notre podcast. J'en connais probablement deux, trois aussi, fait qu'on peut sûrement se faire du gros stock avec ça. Alors, on pourrait se faire au moins une table ronde pour ça. Fait que fin de semaine de bébite. Fin de semaine de bébite. Là, je parle des avec des épées. T'as le droit d'avoir du off, genre, dans un VN? Ok. Ouais, mais moi, je me suis gavé de off, là. Je me suis parfumé au off toute la fin de semaine, mais à Saint-Barthélemy, précisément, les moustiques sont... C'est pas dans l'île de Joliette, ça, Saint-Barthélemy? En fait, c'est au nord de Saint-Cuthbert, ou plutôt dans le coin de Saint-Norbert. On salue les gens de Joliette. C'est bien de la famille, moi, là-bas. Mais en fait, ma blonde a bien de la famille, là-bas. C'est que je les salue bien bas. Bien haut, on dit bien haut ou bien bas? Peu importe. Je leur lève mon chapeau. Fait qu'en réalité, t'es allé là-bas, t'as fait ton GN, pis là, il y avait des bébites. Je me suis fait maganer solide par les bébites, c'était dégueulasse. Ça, c'est une partie de ma fin de semaine. Okay. Tu peux-tu gagner deux, un GN, ça se gagne-tu? Ça se gagne pas, c'est un storyline qui est continu. Ok, c'est pas comme une game de D&D que t'as un gagnant puis un perdant, genre. T'as jamais de gagnant ou de perdant, c'est une game de D&D, ben, quand en temps normal. Tu perds, non? Tout le monde gagne à jouer, Guillaume. Oui, mais je veux dire, tu gagnes jamais. Battre le méchant, non? Tu gagnes jamais là-dedans. Tu te fais du fun juste avant que tu meurs. Un peu comme une game de D&D. Ou comme au poker. Oui. Moi, je vais être le genre à sortir le premier. Au poker, t'as gagné à la fin. Dans un jeune, t'as jamais vraiment de gagnant. OK. Non, mais attends un peu. Tu dis y a pas de gagnant, mais mettons, là, tu sais, la quest principale, c'est de... Si tu réussis à fourrer à la reine, tu gagnes. Tabarnak! Même moi, je la trouve intense, celle-là. ça a escaladé assez rapidement. Du roi, faut non, mais mettons dans la quest, là, le but, c'est d'aller trouver une relique enchantée de telle affaire. Pis... Ah, tu vas avoir ce genre de quest-là. Tu vas techniquement gagner ta quest. OK. Mais t'as pas de grand gagnant de à bout de la fin de semaine. Il n'y a pas vraiment de endgame. C'est comme un principe de, si t'as survécu, t'es gagnant. T'as-tu des buy-in ouais, comme au poker pour que genre si tu crèves, tu reviens ou t'es comme non. Fuck it, tu reviens pas l'année ça prochaine? Ça dépend de la place que tu vas. Y'en a que t'as plusieurs lives, y'en a de place et tu meurs, c'est fini, tu changes de perso. Ok, faut que tu revenir en tant que quelqu'un d'autre. Oui. Ça doit être écœurant. Le gars qui, tu sais, tu vas d'un GN permadeath, pis le gars il amène un costume. Fait que là il rentre genre, je suis Danny Tesserin, pis là il crève, pis là il revient, je suis Jean-François Tesserin, pis là il crève, pis il revient, je suis... La fin il dit, ben je suis Adam, j'ai plus de costume. Ben, c'était en feu, à sort, man, ça n'a pas de sens. Je m'excuse aux sororités de Mélusine qui nous écoutent. Ça, au quoi? C'est une autre histoire de GN, on s'expliquera dans un épisode consacré à ça. Somme toute, parler de permadeath, ça m'est déjà arrivé. OK. Fait que quand t'as juste un costume, that's fucking bullshit. Mais... OK, fait que tu rejoues le comme le beau-frère de ton personnage qui est habillé pareil puis qui... Ou tu mets ton linge à l'envers puis t'es Chris Cross. Tu sacs ton camp, comme ça m'est déjà arrivé. Ou tu fais comme... T'appelles ton bonhomme Bill Murray... Puis la classe, c'est genre Groundhog Day ou quelque chose de même. Puis tu t'essayes tout le temps de crever puis de revenir. Tu revis le même jour incessamment. Le même GM de la même façon. Tu peux pas... Calisse, man. Je suis sûr qu'il y a de l'argent à faire avec ça. Donne pas des idées à du monde. Attends, il y a des choses à faire, là. Non, mais est-ce qu'il y a de l'argent à faire avec un GM? Faudrait que tu demandes aux organisateurs. Moi, je te dirais que non. Parce que la majorité de l'argent qu'eux autres font, ils réinvestissent dans leur activité. OK. Mais j'imagine qu'une activité comme Bicoline, qui est comme le plus gros grandeur nature au festival médiéval. Pourquoi tu mets des air quotes? Parce que c'est pas considéré comme un grandeur nature, Bicoline. J'ai plus l'impression que c'est comme un gros party médiéval où ce que le monde boit. C'est genre le festival de cosplay. Un party médiéval. Oui et non. C'est comme moitié GN, puis moitié grosse beuverie, puis t'as une grosse bataille à la fin d'à peu près 2000-3000 personnes. C'est clair, il y en a bien qui font les reines dans ce coin-là, c'est ça? Ah, c'est bon, oui. Excusez-moi. Je pense que je viens d'offusquer André. Il quitte. Non, non. Ouais, donc on s'excuse pour cette petite interlude. Il y a un chat qui est en train de virer capote. C'est le best show ever à soir. Le monde regarde ça, ils font calice, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça, man? C'est fin, des cousus pis de la marde. S'il y a plein de chats dans nos carousels sur notre site web ou dans nos promos qui passent sur Facebook, il y a une raison. Ouais, c'est un peu un signe précurseur. Fait que là, okay, fait que là tu dis Bicoline, c'est considéré, quote unquote, comme un party médiéval. Où le monde arrive déguisé, ils jouent un peu, puis là, après tout, on spacte la fraise, puis on mange du lunch. Ouais, ou ça spacte surtout la fraise, puis ça joue un peu. On dirait personne mange de lunch. Ah ben oui, ben c'est clair qu'il y a du monde qui mange leur lunch, tout ça, là. Ça dure des fois une semaine au complet, là. À chaque année, il y en a une semaine de monde déguisé, qui se donne des coups d'épée électrique. Y a-tu des douches? Oui, je pense qu'il y a des douches tu là-bas. Tu penses? J'y étais une fois, deux jours, puis anecdote de GN, je vais aller dans le coin à Guillaume, deux personnes qui fourrent dans le bois, j'ai spot, sorry, je voulais pas vous croiser, le gars me dit, pas de trouble, tu veux-tu joindre nous autres? J'ai viré de bord, j'ai calissé mon cadeau de là, man. GoPro Bodycam, puis crée ça sur un site à membership. Me semble que c'est un scénario de film porn poche québécois, ça, genre... ben, c'est ça, je veux-tu faire partie d'Odécat? GN à Valleyfield! J'avais pas vu les caméras cachées d'Odécat dans le bois, c'est ça, exactement. Non, moi, oublie ça, la petite anecdote de même, j'ai dit, ok, c'est assez pour moi, j'ai sacré mon cash, j'ai jamais retourné. Hein. Ben, sans joke, moi, honnêtement, c'est le genre d'affaire qui me scratch. Tu sais, gars, le fait que Ed Sheeran était dans Game of Thrones m'a coupé mon immersion... Malgré que, tu sais, le monde dans le temps médiéval, il fourrait aussi. Fait que ça te coupe pas l'immersion. C'est comme du bonus d'immersion, trouver du monde dans le monde. Mais c'est-tu le fait qu'il soit là qui t'a fait décrocher ou c'est le principe qu'on dirait qu'il va être un extreme close-up sur lui pendant quasiment 20 secondes pour que t'en marques? Hey, regarde, c'est Ed Sheeran, il est là. Ben, tu vois, gars, check, mettons, là, on va toucher vraiment le scénario. Mm-hmm. Ed Sheeran qui soit là, je m'en calisse. Tu sais, en réalité, Ed Sheeran peut être là, puis, tu sais, gars, la preuve, il y a eu le gars de Coldplay, apparemment, qui était là, je l'avais même pas remarqué. Tu sais, j'ai lu la liste, puis ils ont fait comme, c'est pas la première fois qu'il y a un chanteur ou un chanteur populaire qui est là. Fait que là, ils font la liste. Moi, ce qui me gosse un peu là-dedans, c'est, de un, effectivement, comme tu le dis, l'extreme fucking close-up sur sa face. Tu sais, genre, on le met bien en évidence. Faut qu'il chante, casté dans un autre rôle où il chante pas, au pire. Ouais. Puis, ce qui m'a vraiment gossé, c'est l'excuse que l'émission a donnée. C'est du genre, ben Macy Williams, Arya Stark, trippe sur Ed Sheeran, fait qu'on l'a mis là-dedans. Ben, t'es pas au courant, ça. Il était pas au courant, ça a l'air. Mais ça, c'est une affaire qu'on s'entend que, elle est pas au courant, ha ha ha, elle arrive sur le stage, elle capote, il y a film, ça se ramasse ses bloopers sur le Blu-ray, ou ça se ramasse sur du extended features qu'ils vont mettre sur Facebook, quelque chose en même. Mais la scène en tant que telle, c'est ça, c'était un peu tout le cheese factor autour de ça. C'était un peu comme, Un bon fromage vieilli avec une bonne croûte épaisse autour qui je trouvais ça pathétique un peu, tu sais. Overexpose, trop en évidence. Je savais pas c'était qui Ed Sheeran. J'avais jamais entendu ses chansons sans le savoir. Shape of You, tu l'as sûrement entendu souvent à la radio. Ben, j'écoute pas la radio, à part Chaume puis 91.9, la radio des sports. Là. Ouais. C'est que j'ai comme fait. Je pensais que ça allait plugger CSM. Non, ça fait... J'écoute pas la radio, j'écoute CSM. Non, ça fait des années que j'ai pas écouté CSM, honnêtement, à part la rumba du samedi. Là. Mais tu sais, en réalité... Mais c'est non, j'ai fait, ah, ok, ils ont juste mis des soldats, puis ils chantent, puis comme le lendemain, j'ai vu comme l'espèce d'outburst sur les médias sociaux, puis comme fait, ah, tout ça pour ça. Ça a dérapé un peu pareil, parce que... Ben, comme d'habitude, là, c'est 2017. Moi, c'est juste, c'est comme... Hashtag 2017, là. Get the fuck out and cheerin, tu sais, c'était pas get the fuck out and cheerin, c'était plus, tu sais... Ok, gars, ils ont donné trop d'exposure, puis ça sonnait comme un genre de promo cheap, puis c'est con à dire, mais il y a une couple d'épisodes, mais en fait, là, il y a eu deux épisodes à date, de Game of Thrones, dans cette saison-là, qu'on dirait qu'ils savent qu'il est over-médiatisé, puis j'ai trouvé le fait d'over-médiatiser Ed Sheeran dans le premier épisode ultra-médiatisé de Game of Thrones, Je trouvais ça. C'était comme, too much. C'était too much. Tu sais, c'est ça. Passez les low profile, pas de trouble. Tu sais, fait, tu sais, c'est con à dire, là, mais j'aurais fait un mélange. T'as pas écouté l'épisode live, là? Bouche tes oreilles. Mais moi, Sumio. Spoilers! Je vais faire ça de même, mais que j'ai fini de spoiler Game of Thrones. Mais la scène où ce que l'autre, il ramasse la marde, là, j'aurais switché le personnage. Genre, Ed Sheeran, j'aurais fait Mopa à marde, toute le kit, puis j'aurais mis. Non, je niaise. Mais honnêtement, cette scène-là, qui servait absolument à rien, était quand même intéressante. J'ai aimé le. On va rentrer dans la cinématographie, là. Il y avait une petite vibe d'Aaron Aronofsky, là, où ce que ça... Darren Aronofsky, là, je scrape toujours son nom, qui est réalisateur. Il y a quelqu'un qui comprend, présentement. Ouais. Mais, qui l'espèce comprendre. De montage, tu sais, qui saccadé, qui coupe, tu sais, à la limite, Nick vont dire que c'est du Guy Ritchie ou autre, là, mais tu sais, ça, c'est quelque chose qui sort un peu de la vibe qu'on avait déjà vu dans Game of Thrones, puis tu sais, ça, je trouvais que ça, on s'entend, il se fait chier à brasser de la marde, on le sait, mais j'ai trouvé ça intéressant qu'il rajoute cette scène-là, puis qu'il la fasse accélérer, quoi. Du prima donna Guy Ritchie, par exemple. Genre, oui, exact. Pas du post-Madonna. Pas du pré-Madonna, du pré-Madonna. Ouais, pré-Madonna. Non, genre, pré-Madonna. Genre avant Swept Away. Si t'écoutes Swept Away. En fait, hey, j'ai déjà un de mes chums, il a commencé Guy Ritchie en écoutant Swept Away. Dieu il a dit, qu'est-ce que vous y trouvez, lui? J'ai fait, wow. Dieu est son âme. Ok, je m'excuse. Fait que grandeur nature. Ouais, bébite. Grandeur nature, bébite en général. J'ai arrêté déjà de jouer à Final Fantasy XIV. Attends, malgré, déjà? Ouais, malgré l'expansion qui est sortie il y a à peu près 3 semaines et demie, 1 mois. T'avais recommencé avec l'expansion ou t'avais ouais, commencé? Oui, j'avais recommencé avec l'expansion. Et après 3 semaines, j'avais déjà fait tout le contenu complet. Puis le Savage Mode, c'est-à-dire le mode dur des raids du jeu, je passe à travers dans la première semaine au grand complet. Puis tu soloais ou t'étais en groupe? Groupe. Mais t'as pas le choix d'être en groupe. Là. Mais tu faisais genre du pick-up group ou t'avais des amis qui jouaient avec toi? Non, non, c'est Secret Party, puis okay, j'en ai trouvé Pug, un. Ouais. Puis du Pug. Puis on le clear on the first week. Pathétique comme ça se peut pas. Manque flagrant de end content dans ce jeu-là, je n'en reviens pas. Calisse, man. Qu'est-ce qui est arrivé? Non, non, mais à ta peu, t'as payé combien pour cette expansion-là? Ok, je pensais que tu parlais de non, non, non, non, non. Ou quelque chose de genre. Mais 3 semaines, puis t'as payé combien pour l'expansion? L'expansion, à peu près, taxes incluses, 55$ à peu près. Attends, 3 semaines à ouais. Combien d'heures semaine? Ouais, malgré que 3 semaines, c'est pas ça. Ah non, non, j'ai abusé dans la première semaine, on te le cachera pas, là. Okay. J'en ai eu pour ton argent pareil. J'en ai eu pour ton argent pareil, mais tu t'attends quand même à ce que... Tu sais, écoute, je viens de l'époque Final Fantasy 11, toi aussi, André, t'as joué, tu sais, farmer des H&M, là, que tu farmes pendant à peu près 2 semaines parce que t'es japonais qui sont là avant toi. Pis que des fois la bataille va durer 3 heures. Ouais. Tu sais, tu t'attends un peu à avoir ce principe-là dans Final 14, puis finalement, non. Est-ce que c'est... Ça me fait capoter ça parce que honnêtement. Ouais, mais. Attends un peu. Je vais te poser une question. Ok. Quand t'avais joué à Final 11, mm-hmm. Quel type de jeu tu jouais principalement? Tu sais, c'était-tu des RPG? C'était-tu d'autres MMO? C'était à quoi tu jouais plus genre? L'autre MMO que je jouais avant Final Fantasy 11, honnêtement, c'était Ultima Online sur un okay. Private Shard. Fait que tu jouais à des MMO, tu jouais à du RPG pas mal. Tu jouais-tu pas mal à des shooters pis des affaires de même en même temps? Ou... Ah, je jouais à tout à ce okay. temps-là. Là. Parce que tu sais, moi j'ai remarqué personnellement, pis tu sais, je vais en parler tantôt, je veux pas te voler ton actualité, non, mais je vais parler d'Albion tantôt, pis... je laisse dans ma console là-dessus. Ben, on va pouvoir sauter sur Albion. La réalité, c'est que j'ai plus les mêmes raisons pour lesquelles je joue à des jeux vidéo. J'ai remarqué, là, plus que je vieillis, moins que j'aime les mêmes affaires, puis je m'attends plus vite des jeux. Il y a plus de Flavor of the Week que le kit. Fait que peut-être que c'est un peu ça qui justifie le fait qu'en 3 semaines, tu as le temps de te tanner de ton final aussi. Là. Ou c'est peut-être moi qui ai peut-être joué trop en même temps. T'sais... Attends, t'as mis combien d'heures en 3 semaines? Oh, entre nous puis le monde qui écoute. Fait que les 3-4 puceaux de Sorel. Dans ma première semaine, j'ai mis pas loin de 30 heures facile. Ok, ben, j'ai 30 heures en une semaine, c'est pas pire. Là. Mettons que j'ai mis ça à 120 heures au total, à date, depuis la sortie de l'expansion. Ce qui est quand même bon quand tu y penses qu'il y a des jeux qu'en 15-17 heures, tu finis le jeu. Là. Non, c'est ça, c'est bien. Ouais, tu sais, c'est sûr que là-dedans, tu as le principe que tu refais la même chose, tu le repeats, tu crèves, tu réessayes, etc. Mais tu t'attends pas à ce que le stock qu'ils disent qui est super dur, tu le fais dans la première semaine. Alors que dans d'autres MMO, pour les nommer, mettons World of Warcraft, Final Fantasy XI. Ça, c'est ce que tu dis contre World of Warcraft. Eric, il va peut-être. Ouais, c'est ça. Eric est pas là pour venir en racheter par-dessus. Mais, tu sais, j'ai l'habitude de jouer à des MMO où est-ce que aller chercher ton high-end content, tu vas passer plusieurs semaines dessus, un mois et demi, deux mois pour te rendre jusqu'au bout. Puis que ça soit glorifiant d'avoir une récompense à la fin. Puis quand tu joues à Final Fantasy XIV, depuis, je te dirais, la dernière expansion. Plutôt l'avant-dernière, c'est-à-dire Heavensward, j'ai l'impression que tu te rends au stock à la fin, puis ta récompense, ben, c'est comme pas glorifiant. Tu dis, il me semble que j'ai travaillé ouais. tout ça pour rien. Parce que un exemple que je peux te donner comme ça versus Final Fantasy XI, dans Final 11, quand tu pétais un boss que t'as passé des mois à tuer, l'item que ça allait te dropper, trois expansions plus tard, c'est-à-dire, mettons, sept ans plus tard, c'était encore celle-là que t'avais besoin puis qui était la meilleure pour ton personnage. Fait que tu sais, c'était glorifiant d'avoir cet item-là au bout du compte, d'avoir travaillé dur pour l'avoir. À cette heure, c'est comme. Mais c'est weird parce qu'on dirait que c'est comme un peu la glorification. Moi, ce que je trouve qui arrive aussi, c'est le MMO commence à. Comment je peux dire? Commence à devenir un peu plus mainstream. Fait que tu sais, c'est comme. Casual, hein? Casual et mainstream. Fait que le monde, ils font comme. Oh fuck, check ça, t'as la vidéo de eux autres qui est la première guilde à avoir battu tel boss de l'expansion, nanana. Fait que c'est plus comme le fait de vivre ce moment-là, d'être les firsties un peu à passer le challenge, versus, tu sais, justement, le faire pour le jeu, le faire pour la difficulté, le faire parce que ça a une utilité dans le jeu, puis continuer. Tu sais, on dirait, c'est justement, ils ont catché un peu, fait penser, tu sais, Noah Vanderhoff, le propriétaire de l'arcade dans Wayne's World, qu'à un moment donné, il explique le concept de son arcade, puis il dit ça, c'est un jeu avec une gélatine que les kids mettent 50 cents par game pour essayer de battre les levels puis d'atteindre le level supérieur, mais gang de petite cave, il n'y en a pas de level supérieur, fait que c'est juste le but de jouer la même crise d'affaires puis de mettre des cents dedans. On dirait ils ont comme catché ça dans les MMO, c'est comme, ok, pitch un monstre générique, là, puis le but, ça va pas être la reward qui va te donner, qui va te permettre d'être meilleur dans le jeu ou telle affaire, c'est genre, ben, une shot qu'ils vont l'avoir battu, ils vont se sentir accomplis. Jusqu'à la prochaine expansion ou genre hey, tu pensais que t'étais hot, watch out le jeune, nouvelle expansion Final Fantasy, là c'est insert un nom de relique médiévale avec un nom de quelque chose genre Chest Guard Gate ou quelque chose de même là. Puis là et c'est comme là t'as le nouveau monstre qui est super tough le kit, puis là t'as une guild qui le bat, tout le monde check sur YouTube comment ils ont fait, tout le monde le calque puis s'arrête là. Ben, grosso modo, ça ressemble à ça, à cette heure. Fait que c'était combien pour faire ça? C'était 30$? C'était à peu près 40$ pour l'expansion et 15$ par mois. US, ça va être ça passe. OK, fait que, attends un peu. Fait que, US. Fait que 30 plus 15, 45 US. Fait que 59 canadiens, à peu près. À peu près. Ben. T'as joué 30 heures la première semaine. Je n'ai eu pour mon argent. Okay, okay. Mais quand tu dis que c'est un mois que tu payes, c'est un jeu que tu payes par mois pour jouer. Ouais. C'est comme. Me semble que. Je m'attendais à plus de ça. Ouais, un peu. Mais là, justement, tu dis que tu joues à Albion. Oui, j'ai commencé hier. Fait que là, j'ai pas eu le plaisir de jouer avec toi. Fait que t'as commencé hier. Fait que, qu'est-ce que t'en penses d'Albion? Albion Online, en passant, qui est un nouveau MMO qui va être cross-platform, apparemment. Tu vas pouvoir jouer sur ton iPhone, ton iOS ou peu importe. Je joue déjà sur mon cellulaire ici. Ah, t'es sérieux? J'ai essayé de l'installer puis j'étais pas capable. Ben, faut que t'aies. C'est un APK. Faut que tu downloads directement de leur site. Puis faut que t'actives les third parties apps sur ton cell. Fait que faut que tu te fasses faire un backdoor route. Puis tu te fasses finger up the ass par des hackers. Tu l'as déjà dans les options de sécurité. Dire, ça me dérange pas d'installer des applications qui proviennent pas du Google Apps. Fait qu'Albion, tu les autorises à enregistrer tes conversations pour en faire des vidéos de fond de sexe sur YouPorn. Maybe. Cool. Google that shit. Mais honnêtement, sur un téléphone avec l'écran, non, c'est pas jouable, non. C'est trop petit. Prends une tablette ou? Ça prend. Ils disent minimum une tablette 7 pouces. Ça ferait plus de sens. Mais ouais. Tu peux l'installer sur un téléphone, ils disent ça peut marcher, mais on le supporte pas. Fait que si tu dis c'est trop petit, on s'en sert. Parce que Guillaume, en réalité, c'est un jeu de PC que tu peux acheter. Là, t'as plusieurs packs, fait que c'est des starter packs que t'achètes. Le premier est 29,99. Puis une fois que t'achètes ça, t'as accès à leur serveur. Fait que tu peux jouer sur ton ordi. Qui est un genre de. Est-ce que c'est un browser game si tu peux jouer sur ton téléphone? Non, mais non. Ben, ça a la qualité d'un browser game. Ça pourrait en être un. Mais c'est un genre de Diablo slash World of Warcraft que tu peux continuer ta game sur ton cell dans le train ou peu importe. Là. Honnêtement, je le verrais plus comme un spiritual successor à Ultima Online. Un jeu qui a comme pas vraiment de but au bout de la ligne, autre que de te crafter du stock pour devenir plus fort puis t'attaquer aux autres. Okay. Au bout du compte, ça ressemble un peu à ça. Okay, c'est comme un Clash of Clans slash World of Warcraft. Genre que ta guilde fait une île, une base, puis là, tu montes de level pour aller te battre contre les autres. Je vois un peu ça de cette façon-là, ouais. Excellent. T'as-tu du fun avec? Ben, c'est dur. J'ai joué peut-être quoi, 2h30? C'est dur, puis... Fait que ton 2h30 te fait dire que c'est dur d'avoir du fun avec, ou... Non, j'ai pas commencé vraiment. Tu sais, une des parties du jeu, le plus gros, c'est du gathering, du crafting. Fait que tu passes ton temps d'aller du point A au point B dans les maps. Exactement, oui. Tu passes du point A au point B pour aller chercher des minéraux, pour aller chercher du bois, aller chercher de la roche, whatever, pour construire tes trucs. Te battre contre des loups, des renards, puis des marmottes. Mais je vois ce que tu veux dire par le Ultima Online. Là, on voit qu'il y a une influence. Là. Étrangement, ce jeu-là demande plus que World of Warcraft, qui est pas mal plus beau. C'est que je trouve un peu ironique. Je n'étais pas au courant que ça demandait plus que World of Warcraft. Mais c'est ça, tu regardes les graphiques puis tu te dis ça doit pas trop demander. Mais le laptop qui est en face de moi actuellement lag avec Albion, puis j'ai entre 45 et 60 FPS à World of Warcraft. C'est juste parce que c'est pas des bons programmeurs. Non, mais ça, honnêtement, c'est le fucking... Check ça. Le PC gaming à Star, c'est du early access galore. Où, oui. C'est genre... Hey, moi je suis sûr il y a une commandite de Intel puis AMD, genre un secret Illuminati technique où les fournisseurs de hardware fuelent le R&D de certains programmeurs de jeux Early Access en disant « Optimise-les pas trop de suite. Moi, m'a te fondé, m'a te donné du cash pour que tu continues à le développer ton jeu, mais ça prend au moins un i7-7700K pour le rouler présentement. » Tu sais. Puis le monde va « OK. » Ben, je serais pas surpris. Je connais pas vraiment leur fonctionnement là, dans le développement, mais c'est... avoue que ça donne cette impression-là, pareil. Hein? C'est sûr que quand tu compares avec un World of Warcraft, qui, honnêtement, moi, j'ai jamais joué, j'ai jamais été un fan de World of Warcraft, là, mais la machine qui en arrière de ça, c'est, écoute, je suis pas surpris que World of Warcraft roule si bien, si beau sur tant de machines. Ah, mais même... C'est rare un jeu de Blizzard qui roule pas bien sur un ordinateur. Puis, mais même en vrai, souvent, ça... des Early Access... ou des jeux qui sont, on va le dire, indépendants. Là. J'utilise ce mot-là ouais. Avec un peu un genre de petit goût de vomi en arrière de la bouche parce que tu sais, ça n'a pas un bon, toujours une bonne connotation, mais tu as des ressources limitées, tu as des équipes limitées. Ressources, quand je dis ressources, je parle des finances, là, des budgets. Puis malheureusement, des fois, tu peux avoir des talent pools limités. Tu peux pas te payer les meilleurs. Puis des fois, tu as des gens qui ont des super bonnes idées, mais qui sont pas nécessairement les meilleurs programmeurs, puis ça fait que ton jeu est pas optimisé. Puis tu sais, je me rappellerai toujours Deus Ex 2, la suite de l'original. Deus Ex, t'as pas Invisible Wars? C'est un dans l'histoire des jeux les moins bien programmés qui existent. Je me rappelle, je l'avais réessayé comme 10 ans plus tard sur une machine qui était clairement still laggy as fuck. Ben oui, qui était clairement overpowered. Là, que tu sais, normalement, tu aurais mis un jeu MS-DOS que... Faudrait que tu mettes un genre de démultiplicateur, sinon ton bonhomme il est trop sur sa coke là. Mm-hmm. Mais c'était genre ultra laggy. Dans le temps que les jeux étaient cloqués sur CPU direct. Oui, puis tes affaires, des fois que tu dois avoir des memory leaks ou des affaires de la programmation non optimisée. Ouais. Pour les. Mais c'est weird, tu sais, ce que je trouve du Early Access qui est dommage un peu, c'est que. Quand je peux dire ça, tu sais. Mais ça peut donner des faits cocasses, tu sais. J'écoutais des Twitch de Player Unknown, là, Battleground Unknown, puis. Tu sais, je pense que c'est toi qui as mis une vidéo ou toi avec. T'étais featuring dans la vidéo, parce que tu as les collision detection de marde ou ce que quand t'es en gang, c'est super drôle. Mais tu vois, tu sais, un jeu comme Player Unknown's Battleground, tu sais, oui, c'est early access, mais présentement, là, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de corrections. Il y a beaucoup, puis le jeu, il est jouable. Ben, c'est il est demandant, le jeu aussi. Il est demandant, mais c'est aussi un des jeux, c'est pas le jeu le plus populaire à date en 2017. Ben, c'est ça. Puis ils investissent dedans. T'sais, moi, je trouve que c'est là la différence. Versus un Albion, si tu le permets. T'sais. Moi, mon gros grip avec Albion, c'est la mécanique du jeu dans certaines fonctions. Je jouais un peu, puis là, il y a Will qui est dans le chat, puis il va me traiter de probablement de. Il a déjà commencé. De bougon ou de whatever, mais Will, oui, j'y vais pareil, bougon, je t'en calisse. C'est cool, Albion, puis j'aime ça, puis je le joue, puis c'est casual, c'est le fun. Le artwork est nice, l'ambiance est le fun, tu cliques. Moi, j'appelle ça un loss of time game. T'sais, c'est genre, j'ai 20-25 minutes, je vais aller jouer, je vais perdre mon temps, mais je m'en calisse. Ah, moi, ces jeux-là, je vais ramasser mon téléphone direct. Ouais. Ben, c'est un peu ça. Ouais, tu vas pouvoir. Tu vas pouvoir jouer sur ton cell, puis tu vas probablement sur une tablette 7 pouces, parce que sur un cell, c'est pas évident. Non, avoir du ça. Fun. Mais tu sais, je trouve que c'est juste une astuce mécanique de jambon. Okay? Premièrement, toutes les fucking MMO, là, je commence à jouer, puis là, over-encumbered. Fait que là, je m'en vais dropper du stock dans un coffre. Puis là, j'ai des ressources. J'ai genre du bois de whatever, puis des pots de fuck de loup raffinés de whatever, tier 2. Là. Mais là, je vais aller crafter quelque chose. Non, non, non. Fuck ton coffre. Faut que tu l'aies sur toi. Faut que tu prennes les matériaux puis tes amènes, puis là, tu vas crafter. Première affaire qui me tape ses nerfs. Deuxième affaire... Ouais, mais André, si tu payes 5,99 de real money, tu peux avoir un backpack... Double. Même pas. Même non, pas, non, non. Même pas. Il n'y a pas de pay to win là-dedans. Il n'y a rien de plus ridicule dans un MMO que ça. Sauf que, tu vois, c'est là que c'est juste, c'est pas optimisé. Puis là, OK, ben là, le crafting, c'est pas sur ton bonhomme. Le crafting, il faut que tu ailles au bonhomme qui fait du crafting. Fait que là, à chaque fois que tu veux crafter de quoi ou raffiner des matériaux, tu peux pas le faire on the spot. Faut que tu rentres dans la ville, tu ailles voir le monsieur qui fait les pots. Puis là, tu raffines tes pots de fuck de loot, whatever. Puis jusque-là, c'est pas si pire. Mais là, mon autre gripe. Tabarnak, les instances, man, il y a tellement de fucking monde dans les villes que ça lag as fuck. Guild Wars 1 est sorti, je sais pas trop combien. Ouais, mais Guild Wars, moi, je te jure. Ils ont adressé ça, tu sais, c'est comme. Day 1, c'était fucking nice, là. Mais Albion, oui. Je trouve, la seule affaire que je trouve poche, c'est que. Ils ont beaucoup de potentiel, mais ils ont, on dirait qu'ils ont des étriers d'en face. Ben, des étriers, des œillères. Des œillères. Des œillères. Pas des étriers, parce que des étriers, c'est pour les pieds. Fait qu'ils ont des œillères d'en face, puis ils font comme là, là, là, là, là, là, là, fuck, qu'est-ce qui existe. On regardera pas ce qu'ils font, on fait notre propre affaire. Fait, inspire-toi pour qu'est-ce être, qui marche pareil. Un peu l'avocat du diable, tu sais, je ne bosse pas dans l'industrie du jeu vidéo, mais je fais quand même de la production informatique en web. Puis. Des fois, tu sais, puis les gens qu'on connaît, que ce soit Michael Larouche ou autres qui travaillent dans les industries de jeux vidéo, vont nous dire, ils savent là, qu'ils ont des problèmes. Ils sont très conscients, mais malheureusement, tu sais, t'as ton Trello, ton project management, ton issue tracker, puis il y a des priorités. Ouais, mais là. T'as un tel ou une telle ou un producteur ou une équipe de marketing qui dit, faut que tu fixes ça, ça, ça. Je comprends, Guillaume, mais ce que je t'ai dit live là, c'est pas des bugs, c'est des production flaws, selon moi. Oui, genre, le jeu en tant que tel, le la mécanique... Là devient un bug pour quelqu'un, puis après ça, il y a quelqu'un qui sait que c'est à améliorer, ouais. Mais c'est pas prioritaire. Mais c'est ça, qui arrive, c'est que là, présentement, ils tombent un peu dans le pattern du Early Access, c'est que ils vendent. Premièrement, les serveurs soutiennent pas, fait que les serveurs crash. Il y a des waiting queues, il y a un paquet d'affaires. Puis après ça, ben, Chris, tu sais... Moi, j'ai hâte là, de voir une compagnie, en réalité, là, qui vont faire un Early Access, qui vont faire comme... Un moment donné, tu arrives sur un site, tu fais comme... C'est le jeu de l'heure, je veux le downloader, puis ils vont faire comme... Sorry, guys, on n'en vend plus pour là. Nos serveurs t'offrent pas à run. On va les moderniser. Puis on va réparer des shit. Puis là, on va remettre des licences à vendre. Tu sais, un peu, c'est comme... Mettre les breaks, puis juste faire... We fucked up. We're gonna fix it. Puis on va en revendre après. Mais non, à la place, ils vendent, ils récoltent l'argent. Ben oui. Puis là, à un moment donné, tu te demandes, est-ce qu'avec l'argent qu'on leur a donné, est-ce qu'ils vont genre moderniser leur serveur? Vont-ils en rajouter? Ou ils mangent des sushis sur le cul d'une pute en sniffant de la coke, puis ils s'en calissent de nous autres, tu sais. En gros. Ça, c'est une façon de dire, ils financent la production du deuxième jeu. Ouais, c'est ça. L'industrie du jeu vidéo, la Destiny, plus we're looking at you. Ouais, Destiny 1.5 en réalité. C'est que j'ai aimé cette shot là sur internet. Ah, c'était bon ça aujourd'hui. Fait qu'Albion, toi, finalement, là, ouais, c'est comme grosso modo, ouais. Albion, comme tel, je l'aime bien. Je risque de passer beaucoup d'heures dessus. Le début, il est long. Fait que celui qui pense acheter Albion pour avoir du fun dès le départ, ah, tabarnak, non. Get the fuck out. Ouais, ouais, ouais. Faut que tu ailles plus loin dans le jeu, faut que tu commences à découvrir vraiment le but du jeu, c'est-à-dire quasiment rien. Ouais. Faut que ça t'intéresse. C'est un grindfest ou? Oui, ouais. C'est absolument un grindfest, ben... puis y a pas de level. Tout est basé sur l'équipement que t'as sur toi. Puis c'est du permadeath. Fait que si tu t'en vas dans une zone PVP puis tu te fais tuer, tu perds ton gear, tu perds ta monture, tu perds tout. C'est comme fuck you, on recommence. Pas pire, ça je trouve ça intéressant. Sauf que tu sais, honnêtement là, c'est Diablo, mais rajoute-y du PVP. Ben, Diablo Hardcore Mode. Diablo Hardcore Mode. Hardcore Mode. Hardcore Mode. Rajoute du PVP. Puis mêlée Open World. Ben, le Diablo OG, je me rappelle. Il y a du PVP, moi. Ouais, je... Pas dans le 3. Le 3, il y a des saisons. C'est beaucoup plus intéressant, Guillaume. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué au 3. I feel the sarcasm here. Yes. Astime. Voyons, yes. Voyons. Il n'y aurait jamais de sarcasme dans André. Fait qu'Albion, des grandeurs nature. Eh oui. Puis. Mon clavier qui a lâché. Ouais, ouais, ouais, ouais. Mais on a vu, tantôt, tu traînes. Ouais, je l'ai acheté un nouveau parce que l'autre a une touche sur deux qui marche, ça tape un R en triple. Et tu t'es pas fait hacker dans le fond. Oui, je me suis fait hijack parce que j'avais des affaires louches, solides dans mon ordinateur. TeamViewer, je l'avais désinstallé. All of a sudden, il est installé. Please. Là. Hey, c'est le Creators Update de Windows qui t'a réinstallé ça. Ben ouais, c'est clair. Surtout que moi, ça va faire quoi, 6 mois que j'ai le Creators Update là. Ah, il l'a réinstallé depuis longtemps. C'est à son pense. Travail qu'il y a eu l'update. Ah, ouais, ça, c'était okay, ma job. Donc, DuckDuckGo, puis merci, bonsoir. C'est ça, DuckDuckGo, qui, pour le monde qui ne connaisse pas ça, c'est un genre de Google que tu te fais pas comme retracer. Ou... Ouais. Fait que tu sais, quand tu vas faire une recherche puis pas trop laisser de traces, tu passes par là. Fait que tu sais, c'est louche ce qui s'est passé sur mon ordi. Fait que somme toute, c'est mes actualités. Fait que nouveau clavier Albion Online, grandeur nature avec du off, des épées électriques. En gros. Nice. Mais ben, c'est tu des égorgements aussi. Des égorgements. Hein? Ouais, regarde, on va pas se lancer là-dedans, je pourrais t'en parler pendant des mois. Ben, on va s'en parler offline, là, ça. Parce que là, il y a des histoires de monde qui font des buissons, de l'égorgement, puis là, des épées électriques, puis des. Tabarnak, man, la crowd. On va se faire un épisode 18 ans et plus basé là-dessus, man. Avec du fan footage. Hey, écoute, honnêtement, là. Du fan footage, fuck. That escalated quickly. Hey, Mikasa00 Ackerman, thank you for the follower, man. Un gros merci. Guy, qu'est-ce qui s'est passé de bon avec toi? Hey, moi, je sais pas. Un follow, c'est un follow. Ah ouais. Ben, j'étais en vacances. Oui. Pour ceux qui nous ont écoutés la semaine passée, je rentrerai pas dans les détails, c'est la même affaire que Milter. J'étais au lac Saint-Jean, on était ensemble, on s'est croisés dans pas mal toutes nos activités de Saint-Félicien. La seule différence, moi j'ai fait le tour au complet, tandis que Milter il est toujours resté à la même place. Sinon, il y a eu le Comic-Con de Montréal. On rentrera pas trop non plus dans les détails parce qu'on pourrait en faire énormément. Mais des petites dépenses comme d'habitude. Comme l'an passé, j'ai envoyé des soumissions à CGC, c'est-à-dire pour grader des BD particulières. Ah, t'as-tu reçu tes grades toute la quête? Ben, j'ai les envoyés, ça risque de prendre un 6-8. Ben, ils disent 6 à 8, mais c'est plus 8 à 12 semaines avant que je reçoive quoi que ce soit. Là. Par contre, j'ai bien hâte de recevoir mon Ninja Turtle édition du Comic-Con signé par Monsieur Eastman lui-même. Ça, c'est nice en crisse. Et vu qu'elle sort directement du Comic-Con, je m'attends à avoir un grade assez élevé. Ça va être bien le fun. Puis c'est une signature authentifiée. C'est que genre un petit label jaune, bien le fun. Ça, c'est fucking nice, man. Surtout pour le monde qui trippe comic book comme toi en plus. Là, sinon, puis... j'en ai 6. J'en ai envoyé 6 qui sont pas signés. Fait que ça va être des grades normales. J'ai regardé tantôt sur Internet si j'avais accès à ma liste. Parce que je me rappelle plus par cœur quel que j'ai envoyé. Ça, c'est l'avis d'un TDA, mais que voulez-vous? J'ai la facture chez nous, on pourra s'en reparler dans un autre épisode. Mais de toute façon, dès que je vais y recevoir, je vais sûrement les amener ici, puis on va les regarder comme la dernière fois. Mais tout ça pour dire que j'ai pas vraiment d'actualité de comic book pour faire changement. C'est surprenant. Oui. J'ai pas d'actualité de jeux vidéo parce que j'ai comme pas joué, à part genre des jeux mobiles, genre Alien Creeps puis Castle Creeps, là, que c'est genre deux petits jeux d'une compagnie que j'ai trouvé, c'est du Tower Defense. Ok, mais c'est la version sci-fi puis la version médiévale. Ben oui, je suis tombé là-dessus par hasard. Jeux de cellulaire. C'est des jeux que t'as pas besoin de payer pour jouer, là, c'est que c'est cool. Puis il va-tu avoir Clash of Clans. Il va-tu avoir Alien Castle Creeps à un moment donné, genre les... Mais non, c'est du Tower Defense puis j'aime bien ça. C'est pas du Tower Defense, là, sandbox, là, c'est comme t'as comme un genre de petit storyline, c'est bien le fun. Mais sinon, j'ai été au cinéma. En tant que nouveau papa d'un nouveau bébé, les seuls temps que j'ai, c'est j'y vais comme à 10h45 le soir quand tout le monde dort. Puis nice. J'étais voir Wonder Woman, j'étais voir Spider-Man, comme à une semaine d'intervalle presque, ou deux semaines d'intervalle. Agréablement surpris, j'ai bien aimé ça. J'ai pas vu aucun encore. On va éviter les spoilers, mais on va quand même dire que c'est des excellents films. Puis dans le DCU, c'est le MCU, c'est Marvel. Ouais, c'est le DCU, je pense. Le DCCU, on pourrait dire. Le DC Cinematic Universe. Là. Okay. Wonder Woman en ce moment est le meilleur. Parce qu'il faut se rappeler que la trilogie de Christopher Nolan ne fait pas partie du DCCU, on pourrait dire de l'appeler ainsi. Batman vs Superman et Suicide Squad étaient pas vargeux. Senior Superman, c'est avec sa moustache parce qu'il est obligé de finir son autre film puis il peut pas se raser. Ouais, puis il fait un reshoot. Ça c'est assez particulier. C'est fucking fun. Nice. mais non, sinon j'ai bien aimé les premiers Superman, mais Wonder Woman est excessivement supérieur aux deux, t'sais, autant cinématographiquement parlant. Et juste côté storyline... Moi, j'ai resté surpris parce que je suis en train de réécouter les épisodes d'Entourage avec ma blonde ces temps-ci. Puis, Gal Gadot, qui, out of nowhere, sort avec Vincent Chase, je pense que c'est ouais, saison 6 elle ou saison 5. Je lisais son IMDb. Elle a fait comme juste un épisode ou deux ou quelque chose de même. C'est genre la Hot Chicken Limousine ou quelque chose de même. Fait que là, je suis comme, Chris, c'est pas Wonder Woman, ça? OK, ouais. Nice, good for her, man. Elle est passée de la hot chick dans la limousine à genre... À Fast and the Furious. Fast and the Furious. Puis là, ouais, elle est rendue la hot chick qui casse des culs. Ah non, puis j'ai écouté... Suite au film, j'ai écouté beaucoup d'entrevues qu'elle a faites à Jimmy Fallon, puis Jimmy Kimmel, puis whatever, puis c'était... Tu t'appelles Jimmy pour hoster un show au stade, c'est en genre. Site, c'est populaire, en tout cas. C'est comme les Chris, puis les acteurs au cinéma, là. J'avais fait partager de quoi dans nos chats internes. Chris Pine, Chris Pratt, Chris Hemsworth. Chris Evans. Oui, Chris Evans. Dans le fond, note à nos auditeurs, si vous voulez percer à Hollywood et faire des films de super-héros, renommez votre nom. Oubliez Max Power, ça a marché dans les Simpsons, mais maintenant c'est Chris quelque chose. Max Power, ça fait tellement le nom d'un acteur porno. Là. Ben, c'est le nom d'Homer le temps d'un épisode des Simpsons. Sinon, j'ai vu Ghost in the Shell, que j'ai... faudrait que j'écoute ça. Que je n'ai pas vu au cinéma, que j'ai vu sur les interwebs, de façon interweb. Mm-hmm. C'est-tu bon? Oui. Oui, c'est bon. Je l'ai écouté avec ma blonde et on l'a écouté en deux, vite, encore une fois conséquence de parents et de jeunes bébés, on l'a écouté comme en deux volets parce qu'il fallait aller à un moment donné se coucher. Ouais. Et pour l'exercice, j'avais écouté l'animé avec ma blonde il y a 3-4 mois, animé que j'ai vu je sais plus combien de fois, là. J'ai vu ce film-là, je pense, une bonne cinquantaine de fois. Tu trippais Ghost in the Shell dans le temps. Je trippe animé en général. J'ai beaucoup slacké ces animés, faute de temps, mais j'ai beaucoup, tu sais, les Gundam, Ghost in the Shell, j'avais des... Ghost in the Shell était un de mes fétiches, pas fétiches, mais un des, comment on dit ça, favoris, mais tu sais, comme mon péché mignon, après, tu sais, là. Ouais. Je sais pourquoi j'ai ce fétiche dans la tête. Encore une fois, mon subconscient qui m'a envoyé les messages. oui, donc... beaucoup plus accessible, un traitement hollywoodien, on s'entend. Ouais. Même si, ben, ouais, on peut dire traitement hollywoodien. Il est whitewashed. Ben, ça, honnêtement, j'ai trouvé que c'était pas vraiment un gros problème. Comme Andrusman, la controverse, là, j'essaie de faire comme intervention. Ben, on s'entend. La controverse qu'on crée nous-mêmes, mais que les Japonais font comme, ben non, c'est cool. On s'en ouais, c'est mais ça. Dans ce cas, c'est cool, c'est, on s'en calisse. Parce que, ouais. On s'entend, l'androïde dans Ghost in the Shell, l'original, a crissement pas l'air d'un Asiatique. Du tout. Batu a crissement pas l'air d'un Asiatique. Le policier qui est le policier qui a pas d'implant, comme qui a son revolver classique, qui est comme dans le film, mais plus ou moins reste un japonais. Mais tu sais, il y a personne, à part le boss de Section 9, il y a personne qui a l'air d'un Chris asiatique, à part les figurants, tu sais. Puis dans le film, c'est bien fait. Tu sais, il y a des. Je trouve que. Puis ma blonde a trouvé aussi plus accessible. Puis souvent, les animés, ils ont le don de toujours fucking compliquer l'histoire. Là, hashtag, ou d'over expliquer les choses. Neon Genesis Evangelion. Là, c'est comme. Tu sais, prends du shroom, prends de la LSD, puis avec un salvia, puis peut-être que tu vas comprendre ce qui se passe, puis let's go. Là. Mais c'est quand même fucking un orgasme visuel. Puis écoute, j'écoutais le film, là, puis c'était. Wow! Puis tu sais, comme j'étais juste. La direction, je sais pas si on pourrait appeler ça la direction photo parce que c'est du numérique. Ben, il y a un directeur photographique quand même. Mais le visuel, les effets spéciaux, la vision futuriste du genre de Neo-Tokyo, ça c'est Akira, je suis conscient, mais tu sais, qui est comme une espèce de nouveau, tu sais, le futur du Japon là-bas. C'est très, très, très hétéroclite, c'est très moderne, c'est très aussi international. Il y a beaucoup de nationalités qui vivent là-bas. Imaginez un Times Square en 3D fois 1 million en termes de c'est quasiment imagine Times Square meets Coruscant. C'est un peu genre comment ils ont fait la ville du futur là-bas. Puis il y a énormément de clins d'œil à l'animé original. Il y a des shots que tu sais, on l'avait vu avec la bande-annonce là. C'est, ouais, c'était shot for shot, c'est refait. C'est tellement. Puis honnêtement, le film est très bon. Il est loin d'être un chef-d'œuvre. C'est un excellent divertissement, mais tu sais, c'est ça. Cool. Je le suggère. Je veux dire, si t'es un fan, un tant soit peu, de films de science-fiction, faut que tu l'écoutes. Si t'es un fan d'animé, tu ne peux pas ne pas l'écouter. C'est comme un must. Puis si t'es un fan de films en général, ben, tu le pognes quand il passe. Je trouve que c'est le genre de film qui va juste trigger les puristes d'animé qui vont faire... Holy fuck, mais c'est le genre de film que par l'autre côté, par exemple, t'as un paquet de monde qui aime juste ça, de la science-fiction, qui aurait jamais écouté le fucking animé de leur vie parce qu'ils aiment pas les petits cartoons japonais, puis qui vont écouter ça, puis qui vont faire comme ça. Tu dis quoi? C'est fucking bon, man. Oui, puis t'as pas besoin d'écouter les animés pour comprendre. C'est pas une affaire de genre, il y a zéro référence. Ben c'est ça, fait que tu sais, c'est juste un. Moi, je trouve ça cool, ça a juste l'air d'être un bon film, le fun, tu sais. Mm. Puis contrairement à un film comme Akira, où je le voyais un peu moins bien transposé en méga... Tu sais, à un moment donné, il parlait, on va faire Neon Genesis Evangelion, justement, en live action américain. J'étais comme, fuck that. Mais... Non. Tu sais, il voulait faire problème, Akira, puis etc. Le problème avec ces films-là, que ce soit Akira, que ce soit Neon Genesis Evangelion ou autre, puis c'est un problème de... En fait, c'est un problème de quasiment tous les films, c'est le troisième acte. Puis c'est super cliché de parler du troisième acte, là, surtout dans les films d'horreur. La prémisse est toujours excellente. Tu sais, l'espèce de mise en contexte, le premier acte, super le fun. Le deuxième acte, quand il monte la tension, ça va bien. Puis quand c'est le temps de finaliser ou d'expliquer, comme tu sais, Akira, à la fin, quand ça devient une espèce de bibitte, tu sais, incroyable, puis il est comme tout pète, puis tout devient comme mindfucked, ou Neon Genesis Evangelion, qui s'est rendu... Je sais crissement pas qu'est-ce que c'est rendu là. Tu peux même pas le décrire là. C'est fucké. C'est que c'est comme quand pis souvent c'est le c'est le fait d'arme d'un animé japonais, c'est que t'es comme ah oh, stick c'est Berserk c'est la même affaire. Stick c'est hot. Ok wow je commence et wow ça sent bien. J'aime ça puis là à la fin t'es comme what the fuck qu'est-ce qui se passe là? Je suis rendu où j'ai-tu manqué un bout j'ai-tu comme je me suis endormi pendant comme 4 volumes puis non c'est puis tu sais c'est pareil tu sais que ça soit du Death Note que ça soit du écoute, je pourrais en name drop, ça changera rien, mais c'est souvent un problème récurrent. Mais écoute, c'est ce qui fait que moi, j'aime quand même ça, c'est que ça te fuck le cerveau, puis ça t'amène un peu aussi à réfléchir parfois si l'animé est bien fait. C'est que ça, c'est probablement ce que j'ai fait beaucoup. Donc, beaucoup de séries télé, de films. J'ai presque fini Walking Dead saison 7. C'est que là, on faut que je fasse attention dans nos actualités tantôt, dans nos San Diego Comic-Con. J'ai fini Agents of S.H.I.E.L.D. la saison qui j'avais pris beaucoup de retard, c'est que j'ai essayé de rattraper tout ça. Sinon, autre actualité, il y a eu les Eisner Awards, qui est en fait le nom long est le Will Eisner Comic Industry Awards, qui est le genre de Oscar pour l'industrie de la BD. Ah, ok, cool. Ça a toujours lieu durant le Comic-Con, ça a commencé en 1988, donc ça va faire bientôt... 30 ans, si je calcule bien. Y a-t-il des gars qui gagnent des prix, qui vont sur le stage, puis que pendant leur monologue, ils se font mettre de la musique subtile non. Pour dire genre ta gueule, décalisse. C'est pas télévisué. Visualisé. Okay. Ce n'est pas télévisé. Parce que ça, c'est le best part of the awards. Mais il y a des galas et tout, mais ça se fait très. Comme dans plusieurs galas d'industrie non mass market, donc en fond, pas de télé, disons, pas les Emmys, pas les Grammys ou pas les Oscars. C'est une genre de cérémonie semi-privée, pas diffusée, parce que la plupart du temps, c'est juste, ils te mettent les résultats sur le web, c'est tout. Je rentrerai pas tout dans tous les gagnants, tout de suite en détail, parce que je voulais garder ça un peu dans le reste de l'épisode, mais juste pour dire que dans le fond, Saga, qui est un classique depuis plusieurs années. Je vais rappeler que je suis au volume 7. Moi, je pense que c'est à 6 ou 7, moi aussi. Mais a gagné, je pense, il a gagné 1, 2, tellement fucking trois, bon saga, man. 4. Ils ont gagné 4 prix dans les prix majeurs. Puis, tu sais, c'est comme. En tout cas, on rentrera dans les détails au pire en fin d'épisode, mais je voulais. Vu que ça rentre dans San Diego Comic Con, je voulais qu'on en parle plus en détail. Mais juste vous dire que ça a eu lieu. Puis, il y a eu quelques surprises. Mais c'est surtout les consécrations, je dirais, qu'il y a eu cette année. C'est que si jamais ça vous intéresse, vous voulez en savoir plus après l'épisode, vous pouvez faire une recherche sur les Eisner Awards, puis vous allez avoir toute la liste. Sur Wikipédia, il y a toute la liste des gagnants depuis la fondation. Puis Wikipédia, c'est super, tu sais, convivial, comme tu sais, toutes les années sont là. Tandis que si tu vas sur le site web, des fois l'interface est plus ou moins intéressante, c'est que c'est chiant de trouver les gagnants historiques. Mais pour un fan de BD, c'est quelque chose qui est intéressant. De toute façon, on va en parler sûrement plus en détail. Dans quelques minutes. Ben, dans plusieurs minutes. C'est cool, ça. Moi, mon actualité, elle va être vraiment cliché et basic, mais... Bon, Albion, on en a parlé. J'ai joué à Albion Online. Je me demandais si j'achetais Fortnite. J'en ai parlé une couple de fois avec toi, Max. Je me pose la question, j'achète-tu Fortnite? J'achète-tu pas Fortnite? J'ai le goût de l'acheter, puis là, il y a Sacha, qui des fois est en ligne, et qui m'écrit, puis il dit... Hey, tu parles-tu de le podcast et Gumballon? Exactement. Mm-hmm. Fait que Sacha qui dit, tu vas-tu te pogner Fortnite? Parce qu'on stream souvent sur la page du collectif. Puis je fais, ben, sais-tu, j'ai le goût. Mais d'un autre côté, j'hésite. 39$, peut-être probablement USD, ou malgré qu'il est peut-être 39$ universel. Le Founder Pack le moins cher est 40$. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, le basic, là, c'est 40$. Ça vient avec des piñatas qui sont l'équivalent des cossins que tu trouves dans le jeu. Fait qu'en tout cas, fait que 40$, je regarde le monde jouer, ça a l'air cool, je suis pas sûr. J'ai acheté Albion, je joue, j'ai du fun, c'est pas si pire. Il y a un update de PUBG qui va sortir, PlayerUnknown's Battleground. C'est avant qu'ils quittent le Early Access Stage. Fait qu'en réalité, il y a des nouveaux suits qui vont sortir, fait qu'ils se sont inspirés beaucoup de costumes de Battle Royale. Le film. Oui, c'est fait que, film. Il va y avoir du stock qui va sortir, puis il y a un nouveau gun qui va on sortir. On parle de la version japonaise. Hein, exactement. Oui. Puis il va y avoir les serveurs first person aussi qui vont être quand même cool. Fait que ça, PlayerUnknown. Ça va tellement ça, changer la donne. Ah, ça va changer la game solide. Fait que ça, j'ai hâte de voir ça. Fait que tu sais, PlayerUnknown's Battleground, il y a un update qui sort. Albion Online, j'ai testé ça, c'était quand même bien. Mais pour les gens comme moi qui voient les gens parler de Fortnite, mais qui n'ont pas approfondi leur recherche, oh, qu'est-ce que bon. Fortnite en. Un pitch d'ascenseur. Plant vs. Zombies meet Rust. Ok, ouais. Moi, je te dirais... C'est quoi, c'est du PVP, ça? Parce que Plant vs. Zombies, c'est un jeu de horde mode. Fait que dans le fond, tu te fais un bonhomme, tu vas crafter une base pour défendre un whatever. Puis là, les zombies arrivent, t'es dessus, tu mets des pièges, tu trouves des shit... Puis après ça, ben, tu reconstruis, il y a une nouvelle horde qui arrive, tu pètes. Fait que t'as comme la phase 1 qui est. C'est un zombie, des matériaux. C'est un jeu de zombies. Ben oui, mais non. C'est un. Man. Est-ce que tu peux. C'est-tu un genre comme DayZ où est-ce que à la base c'est un non. jeu de zombies, mais finalement non. tu commences à tuer les autres humains? Non, parce qu'en réalité, là, les zombies, là, c'est un jeu là, que le jour, les zombies, il y en a quelques-uns un peu partout. Puis là, tu te promènes puis tu trouves des matériaux. Pour construire ta base, pour t'aider à faire de la protection. Fait que tu vas trouver une couple de zombies pis t'es bas, mais le soir, là, les zombies sont méchants, pis ils arrivent Fortnite. Fait que tu sais, la nuit suivante, si je ne me trompe pas. Fait que ton but, c'est de te faire une base pour te faire le plus longtemps possible. Ça a l'air cool, pareil. C'est comme un art style à la Overwatch, un peu une ambiance à la Saints Row, mais PG-13. Ça a l'air cool comme jeu, mais honnêtement, il est free to play l'année prochaine. C'est ça qui m'a fait hésiter. Ben, c'est ça. Il va tomber gratis l'année prochaine. Fait que pourquoi je paierais 40$ du gratis suite? Partout ou gratis PC? Gratis partout. Partout. Mais free to play. Là, j'aurai l'impression que ça va être pas mal pay to win à un moment donné. Ben, un moment donné, c'est clair que ça va être pay to win. Mais... Sauf d'un autre côté, il n'y a pas de PvP là-dedans. C'est juste. Non, c'est ça. Mais ça va être à la Guild Wars ou ce que c'est pay to pimp? Ou pay to ouais, c'est ça, je voulais dire. Parce que Guild Wars, c'est tu payais pour avoir des suits fucking awesome, mais ouais. qui avaient les crises de même stats que le dude qui a pas payé. Je pense que c'est l'équivalent. C'est toi que tu vas avoir les suits ou des skins pour probablement les guns puis ton équipement. Mais mostly aussi, c'est que tu vas pouvoir unlocker des personnages. Parce que t'as pas tous les personnages. Quand t'achètes seul le pack à 40$, je pense que t'en as quoi, 8? Ouais, ben, si t'achètes t'as des petit pack, t'en as un ou deux seulement, puis le reste faut que t'es unlock une game justement avec tes rewards des matchs. Je pense que t'es trouvé dans les piñatas, mais tu sais, long story short, c'est que dans le gaming présentement, encore une fois, j'essaye une couple de jeux, puis le seul qui me garde vraiment comme entertained, c'est PlayerUnknown's. Fait que tu sais, PUBG, je vais tout le temps aller jouer, je vais tout le temps jouer, c'est le fun, tu sais, c'est cool. Autre anecdote, Chris Man. Je magasinais un char. Ça fait 12 ans que j'ai des chars used. Que genre, j'upgrade un peu, je débourse un peu de ma poche, puis là, je m'achète un char un peu plus récent, puis je fous comme de la merde parce que là, j'ai un nouveau char, mais qui pète après. Puis cette année, j'avais mis 3 000$. Ben, en fait, j'avais mis déjà 1 500$ de ma poche, puis fallait que je mette un autre 1 700$ dessus, puis j'étais tanné. Fait que j'ai magasiné un auto. Puis... En gros, tu t'es juste dit, j'achèterai plus de Chrysler. Ben, j'ai passé proche d'acheter un Chrysler 300, c'est ça le pire. Mais c'est fucké parce que, tu sais, dans notre mindset, pis là, je vais parler à des gens, puis le millennial va peut-être m'entendre parler, puis il va faire comme what the fuck. Le xennial va me comprendre, puis le baby boomer, il est dedans, mais il nous écoute pas, fait qu'il s'en calisse. Mais le millennial qui habite à Montréal. J'ai connu la phase où tu magasinais un char avant Internet. Fait qu'il fallait que tu le faire. Ah, c'est-tu que c'était pénible? Toutes les dealers. Puis là, t'étais pas sûr. Puis là, t'avais pas de char. Tu faisais genre la ride sur des Laurentides à Laval en autobus, là, la 72 ou whatever. Là. Ah, c'était fou. Là. Puis là, tu te promenais d'un dealer à l'autre avant Internet. Fait que là, personne n'affichait les prix. Puis tu la quittes. Puis. C'était ton journal de Montréal. J'ai eu une expérience très conviviale de magasiner une auto parce que Internet. M'a permis d'aller, tu vois, sur le site de Mazda, Build and Price, là, tu regardes, c'est quoi les promos autour de moi, là, je regarde des codes postaux, des affaires de même, tu vas sur le site de Ford, tu fais la même affaire, tu vas sur le site de Hyundai, puis là, tu te promènes, puis tu regardes, puis, fait que c'est facile d'avoir des comparatifs, c'est facile d'avoir l'information aussi, puis j'ai trouvé ça fucking cool, fait que quand t'arrives, auparavant, tu te faisais butt fuck pas de loup par le vendeur de char parce qu'il va te dire qu'est-ce qu'il voulait puis tu t'en calissais. À moins que tu aies quelqu'un qui était genre un genre de représentant qui changeait de char aux 12 mois puis qui tu sais. Ben c'est ça. Mais même là, tu connaissais un dealer, tu connaissais pas toutes les marques de char, fait que tu savais pas non, qu'est-ce qui était inclus. Puis tu sais, puis on s'entend là, magasiner un char là. D'un côté, ils ont des SX, des GS, des SE, puis des Titanium. GT. Puis là, t'arrives de l'autre bord, c'est des GS, GX, GT. T'arrives de l'autre bord, c'est des SEX+, puis ils ont pas de style dénominateur pareil. T'en as que c'est des Touring, pas Touring. T'en as que c'est des 3.6, t'en as que c'est des whatever. J'aime les chars, puis j'aime les vieux chars, les muscle cars, puis les affaires de même. J'aime les exotiques aussi, mais tu sais... Je connais ça un peu, mais en réalité... André, c'est un gars de pouce cube, c'est ça que tu veux nous dire. Ouais, s'il y a du cubic inch sur le moteur, j'aime ça. Mais en réalité, c'est que il n'y a pas de manière de se retrouver facilement dans les autos. Fait qu'il y a eu des ressources qui m'ont aidé beaucoup. RPM. Shout-out RPM. Fuck ça. Roule à cage. Non. Car and Driver. Beaucoup de sites sur Internet. Beaucoup de reviews. Motor Trend. Aussi sur YouTube. Le meilleur channel YouTube. Que eux autres, leur channel était écœurant. Puis je suis tombé sur j'ai bifurqué un moment donné. Puis je suis tombé sur Road Rage. Qui est juste... Ils se font donner, mettons, un char par Dodge. Puis ils font comme, bon, ben, ils nous ont donné un SRT. Il écoute clairement pas notre show d'habitude, fait qu'on va aller faire des burn-out dans la gravelle avec pour voir combien de temps qu'il t'offre avec le tire explose. Si vous voulez, on fera un épisode là, de char, parce qu'il faut vraiment, dans l'histoire du Geek Collectif, on n'a jamais fait un épisode on va en faire un, maintenant, Geek de char, puis moi je l'assume, j'en suis un dans le closet un peu là, mais l'épisode de Motor Trend sur YouTube où ils prennent possession du Charger Hellcat la première fois. Ah, c'est malade, man, avec la Viper, le puis, Hellcat. Puis... Le gars, ils ont une équipe, de ils font quoi, du slow-mo. Ah, c'est du 1080. Écoute, je pense qu'il y a même des vidéos 4K. Ouais. Écoute, c'est plus beau écouter ça qu'écouter Fast and the Furious. Puis le gars, il est clairement trop heureux d'avoir sa job. Puis tu vois, le gars, il pogne une bosse, puis il jump au ralenti, puis t'entends le grondement du crisse de gros moteur, puis c'est comme... oh, t'es comme... Fait que tu sais, t'as ça sur YouTube qui est comme vraiment incroyable. Cool. Puis t'as moi qui achète un Mazda après, mais c'est gros moteur, c'est la même affaire. Ça te prend plus de temps à magasiner, mais qui reste plus intéressant. Ouais, mais qu'est-ce que j'ai trouvé ça cool, c'est que pour la première fois de ma vie, je suis arrivé, je me suis assis dans un dealer qui était une expérience totalement intimidante parce que dans la vie d'un homme, il y a des cycles. Il y a des cycles où tu magasines ta première auto, puis ton père t'aide. Puis là, après ça, t'as ta première auto neuve, puis là, ton père t'aide. Puis là, après ça, tu l'achètes tout seul, puis t'as ton père qui te juge. Fait que c'est genre, t'as-tu eu un bon deal? Père, j'ai-tu eu un bon deal? Je le paye tant par mois. Puis je trouve que c'est la première fois que je suis arrivé, je me suis assis dans le showroom, là. Puis j'ai fait, you know what, bitch, I'm in control, man. Parce que j'ai vu des fucking reviews. Je sais combien la ton char que t'es... se vend au Venezuela en 2017 avec tel taux d'intérêt, puis le kit. Moi, la minute que tu peux dire, je me lève, puis je m'en vais, puis t'es pas stressé, t'es en contrôle. Ben exactement, mais c'est pas juste ça aussi, c'est que tu connais aussi qu'est-ce qui se passe chez la compétition, mm-hmm. Tu connais aussi qu'est-ce qui se passe dans le marché. Fait que je trouve que c'est un bel exemple de qu'est-ce qu'Internet peut apporter. Eux, de leur côté, par exemple, ça doit leur faire chier, parce que clairement, quand je me suis assis chez Mazda, puis j'ai juste dit le mot « Ford », j'ai vu les orteils du gars retroussés de l'intérieur puis comme flippés d'un bord puis de l'autre parce que Chris, Ford, ils donnent leur char. Écoute, quand j'étais jeune, je rêvais d'une Mustang. Je me suis dit, un jour, je vais avoir un Challenger, une Mustang, un muscle car, quelque chose. Mais Chris, c'est moins cher acheter une Mustang quasiment avec un V6, là, pas avec un V8, qu'acheter une Civic. Tabarnak, il les donne, les chars. Ouais. Ça me fait capoter. Puis ils ont des taux d'intérêt ridicules. Si tu l'achètes usagé, mais mettons moins de 2 ans, tu viens. Gars, à moi, à part si c'est un démo, si c'est une crosse avec les démos, là, mais ouais. Si tu achètes un pas démo qui a moins de 2 ans, tu payes encore vraiment. Mais moins tout cher. Dépendant. Surtout dans l'américain. Si tu as de l'argent, par exemple, parce que le problème avec l'usager, c'est le taux d'intérêt du financement qui est horrible. Fait que, long story short, je suis allé sur Internet, je me suis renseigné, j'ai acheté un char. J'essaye de gamer un peu. Mais c'est surtout, puis là on va en arriver, San Diego Comic Con. J'ai écouté des trailers. J'ai écouté beaucoup de trailers. Parce que San Diego Comic Con arrive à chaque année. Puis là, il y a plein de films, il y a plein de téléséries. Puis là, ils te font des panneaux. Puis là, premièrement, il y a une vidéo que j'ai vue qui a été partagée par, je ne me rappelle plus qui. Je crois que c'est Nick Dénommé. Nick Dénommé, RIP. On a hâte de te revoir au show, mon friend. Là, présentement, il est en France, en train de se promener. Puis il a partagé quand même une affaire qui est une joke de San Diego Comic Con qui est le... Random Panel Convention. Puis là, le gars, il est comme, salut, c'est moi le gars qui a un blog que vous connaissez, mais que vous connaissez pas vraiment. Fait que je host le panel d'une série télévisée qui ont fait une saison, qu'on sait pas s'il va être renouvelé, puis on s'en calisse, parce qu'anyway, c'est du monde générique. Puis là, t'as le gars qui arrive, puis il dit, salut, moi, je suis le gars avec la barbe puis un chandail de hockey pour avoir de l'air cool. J'écris au moins 6 pilotes de téléséries de même par année, puis vous vous en crissez, mais vous les écoutez pareil, puis moi, je me fais payer. Salut, moi, je suis la fille de 20 ans. J'ai posé une fois sur le magazine Maxime Magazine, mais vous me replacez pas, mais on s'en calisse, parce que, anyway, je suis juste là, je vais faire une saison, puis je m'en vais. Tu dis ça, puis j'étais là en train de m'imaginer des noms que je connais dans l'industrie ou des faces qu'on a déjà vues. Ben, c'est ça, man, c'est le meilleur sketch fucking humoristique ever d'une conférence de Comic-Con. On va le partager sur la page. Mais, ça, c'est le côté obscur. On revient au côté positif. Dude, Ready Player One. Ready fucking player one. T'as une minute, là, c'est que là, tu viens de finir ton actualité de shop, tu rentres dans le Comic Con de suite. C'est drette. Je rentre, je suis prêt. Hey, moi, je m'attendais à une pause, aller chercher un deuxième drink. Même pas, mais tu peux aller chercher un deuxième drink si tu veux. Ça sera pas impoli à nos auditeurs. Ça sera pas impoli à nos auditeurs. Ils vont te pardonner. Oh yes. Mais long story short, écoute, les trailers de Comic Con commencent. Puis là, tu vas avoir le temps, je vais radoter pendant un bout. Good. Ramène-moi une Boreal IPA si tu peux, s'il te plaît. Dans le frigo, ça. Et dans le frigo avec la tablette du bas à droite. Man. T'as-tu lu Ready Player One, le livre, J'ai Max? Pas lu Ready Player One. Tout le monde m'en parle, puis je suis pas un grand lecteur. Veux-tu lire non plus, Ready Player One? Il va falloir que je le fasse éventuellement. Tu veux-tu le lire en français ou en anglais? Je m'en sac bien raide. Okay. Parce que si tu veux le lire en français, j'ai une version que je m'étais fait donner dans le temps par des gens qui disaient, genre, il est en français, puis il n'y a pas de problème. Puis je vais te la passer volontiers. All right. Ready Player One, qui est un des livres, Ernest Cline, premièrement, un des gars... Je n'ai parlé plein de fois dans le collectif. Tu veux m'écouter, va radoter dans d'autres émissions, puis dans la petite pocket. Femme taille. Steven Spielberg et Ian Blinn Entertainment font le film de Ready Player One. C'est un film à propos d'un gars dans un monde un peu post-apocalyptique qui va à l'école dans un monde de réalité virtuelle qui a été créé par un gars qui est mort. Puis le gars qui a créé ce monde de réalité virtuelle-là, il est... fucking Picsou over 9000, il y a du cash à côté. En plus fini. Mais lui, il a dit, moi, je donne ma fortune à celui qui va élucider... Les trois Easter eggs que j'ai cachés dans l'Oasis, qui est le monde de VR. Fait que là, tout le monde, ça fait des années qu'il cherche les Easter eggs. Puis, t'as le bonhomme principal, Parzival, qui est Wade Watts. Watson, corrigez-moi, je m'en calisse. Fait que Wade recherche les Easter eggs dans l'Oasis. Puis c'est le premier, après X nombre d'années, à trouver un indice. Chris, il trouve un indice. Fait que là, ça part une fucking guy de tous côtés. Mais ce qui est malade, c'est que l'Oasis, tu sais, toi, tu pourrais avoir un avatar de fucking Goldorak. Moi, je pourrais avoir un avatar d'un autre personnage, le kit. Fait que tu sais, au début, quand ils ont annoncé justement qu'ils faisaient ce film-là, ma crainte à moi, c'était. Comment ils vont avoir les licensing fees de tous ces trucs-là, de ces personnages-là, etc. C'est le bordel. Fait que, tu sais, ma grosse crainte, c'est ça. J'en parle avec Rick, j'en parle avec du monde. Je pense qu'on a parlé au show en plus de ce film-là. Puis on était comme. Tabarnak. Le film pourra jamais contenir tout ce qu'il y a dans le livre. Le premier trailer, la première image sort. Premièrement, là, le monde a chialé parce que dans le livre, Parzival, il est peut-être pas le gars le plus attirant possible. Puis la quête, là, ils ont pris un acteur hollywoodien jeune et qui est pas si moche que ça, puis etc. Fait que là, le monde sort comme « Demain, vous dites-lui le livre. » Hey, du monde qui chiale en 2017. Ouais, c'est ça. Du monde qui chiale en 2017. Over it, on passe à autre chose. Mais là, ils te sortent le premier trailer de Ready Player One. J'ai eu la même réaction que la Hellcat dans Motor Trend. Man, j'ai vu le film... Le trailer, pis je te jure, là, j'étais. Avoue que t'as pas respiré pendant. Semi-croquante, là. J'étais là, pis excusez. Mais le film était excellent, là, le trailer. Là, c'est que les premières 30 secondes, t'as le bonhomme qui, dans l'Oasis, dans le monde virtuel, rentre dans un bar. Mm-hmm. Il croise Deadpool pis Harley Quinn. Après ça, il croise d'autres mondes. Nanana. Le trailer continue. T'as la DeLorean de Back to the Future, comme dans le livre. T'as le bike de Akira. La DeLorean, je les ai spottés. J'ai vu Freddy Krueger. Mais c'est quand on a commencé à parler de Duke Nukem. Pis de Deadpool. Ça, j'ai fait fuck, je les ai pas vus. Deadpool, il est au début, pis il s'en vient, justement. Il marche, il est en bas de l'écran. Fait que t'as Deadpool pis Harley Quinn qui sortent du bar quand Wade y rentre. T'as fucking Duke Nukem, t'as Freddy Krueger, t'as plein de styles de références malades. T'as le Iron Giant, qui est un autre film quand même fucking nice. Fait que tu sais, là j'ai vu ça, puis j'ai fait comme, oh fuck. OK, ils ont eu des licensing rights d'un paquet d'affaires. Là, il reste les licensing rights de Dungeons & Dragons. L'affaire, c'est que la maison mère, la grosse compagnie de production, c'est... Amblin. Non, ça, c'est la compagnie de réalisation. Oui, c'est voyons, Paramount, si ma mémoire est bonne. Mm-hmm. Puis c'est que ce que j'ai lu sur Internet, c'est que la quasi-totalité des entités appartiennent à Paramount / Universal ou je sais pas quoi. Il faudrait que je le retrouve, mais puis c'est ça, c'est un des avantages, l'espèce de giga... des gigafusions qu'il y a eu dans les années 80-90, parce que tu sais, Sony est propriétaire de comme 1 million de compagnies, puis après ça, de l'autre compagnie, il y en a comme un autre 1 million, c'est qu'ils ont réussi facilement à aller chercher une bonne partie des licences. C'est ça qui est sick, parce que là, tu sais, honnêtement, il y a des livres que tu peux être réticent, puis tu le quittes. Puis là, je me sens comme le monde qui ont écouté le genre Angels and Demons, ou bien, c'était quoi l'autre fucking film, là? Da Vinci Code. Le code Da Vinci, puis le monde, comme le livre était beaucoup plus complet. Plus, je pense que je vais être cette personne-là, mais que le film sort. Mais à date de ce que j'ai vu du trailer, j'ai fait comme holy fuck. C'est malade. Il y a beaucoup de monde sur Internet qui était comme oh, ça serait pas aussi bon que le film, que le livre. C'est sûr que si tu pars en partant en disant ça va être comme le livre ou aussi bon que le livre, tu vas être pars avec deux strikes contre toi. Ah, ben, même à ça, il y a une règle même de base. Même Lord of the Rings. L'édition large, ouais. Là, qui dure comme 3h45, ils ont pas le choix de couper. Tu sais, ça sera jamais pareil. Il faut que tu adaptes. Puis c'est correct que ça l'adapte. Puis après ça, il y a d'autres gens qui disent oh, c'est fucking Steven Spielberg. Tu sais, quand ton film le moins bon, c'est genre AI. Parce c'est que bon, tabarnak. Parce que t'as comme pris le projet à la relève, à la volée, parce que ton chummy Kubrick est mort en plein milieu. Moi, j'ai adoré AI en passant, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent que c'est moins bon. Tu sais, on s'entend, OK, Indiana Jones 4 était pas bon, mais parce que des fois, il y a des pressions de studio. Le monde n'a pas eu priorité à la bonne place. Mais ça, c'est des fois, c'est que le monde ne connaisse pas les... Même moi puis toi, on les connaît pas. Est-ce que c'est... Il y avait un contrat qu'il fallait qu'il était obligé de faire? Est-ce qu'il y avait des raisons? Y a-tu du cash en arrière de ça? Y a-tu des... Je t'en dois une, je sais que je vais le faire. Tu sais, il y a plein d'affaires, mais je sais pas. Mais c'est fucking Steven Spielberg. Il n'y a pas juste ça. Ils vont peut-être pas aimer l'histoire, les gens, mais le film va être bon. Mais comme James Cameron... Des fois, les films sont peut-être pas les meilleurs en termes de storytelling au goût de la personne, mais il y a rien qui fait qui est un navet. Ah, mais il y a pas juste ça aussi. Il y a le fait que Chris Le Monde sont encore en train d'avoir de l'espoir sur le prochain film de reboot de Batman quand que tout le monde décalisse de ce film-là comme si c'était la peste. Tout le monde se fait crisser dehors de ce film-là comme si c'était la peste. Puis le monde a plein d'espoir là-dessus, puis il trash talk sur Ready Player One. Anyways, fait que ce film-là m'a fait réaliser, ils ont fait comme fuck, c'est San Diego Comic-Con. Ready Player One, le trailer, me fait capoter. Puis là, ben, il n'y a pas juste ça, là. Non. Il est sorti plein de trailers. Non. Pour tous les gens qui chiolent que le San Diego Comic-Con a quasiment plus rien de comic book, je devrais dire, avec toute. La montée de la culture populaire dans la culture de masse, que ce soit les films de super-héros, les Ready Player One, parce qu'on s'entend les geeks ont gagné, là, l'espèce de running gag, maintenant que les films de stud, des films de geeks, les Star Wars, ben, on dirait que c'est comme le retour du balance, que pendant longtemps, le Comic-Con, il y avait beaucoup de films d'horreur, beaucoup de films qui n'étaient pas nécessairement geeks, ouais. Ou, il y avait un peu sci-fi, mais là, c'est des films inspirés de culture populaire, des films inspirés de comic book, des films de comic book. C'est que c'est comme un peu justement l'industrie du cinéma qui avait overtake Comic-Con à San Diego, qui là est rendu un institut de cinéma de bande dessinée qui, tu sais, c'est là je trouve que ça a comme un peu une fusion, que c'est arrivé à maturité, puis ça a donné une orgie de trailers qui était selon moi toutes dans la thématique d'un Comic-Con. Il y a même des films que je m'attendais pas à être hype, mais je sais pas si t'as vu, Max, ils ont sorti le film, le trailer de Thor Ragnarok. Ça, oui, oh my god. Tabarnak, j'ai vu les autres trailers, puis j'étais comme... Puis, je sais pas si vous avez vu la réaction, là, mais le trailer est sorti, le teaser est sorti, puis tout le monde était comme, pourquoi Thor a pas son marteau? Pourquoi il a les cheveux courts? Ouais. Là, il y a des épées, ça marche pas, tabarnak, puis le monde sont insurgés. Puis là... Fast forward 2 ou 3 mois après. Il y a eu le premier trailer. Drop le trailer de San Diego Comic Con. Il y en a eu avant ça où on voit Thor qui dit, tu sais, quand il se met dans l'arène avec The Hulk, puis il dit, hey, c'est mon ami du travail. Ça, c'était, ça tue le trailer, c'était malade, c'était bon. Mm-hmm. Puis là, t'as Ragnarok qui sort, puis le monde, ils sont comme, ils oublient tout, là. Ils font comme, tabarnak, ça a l'air fou, c'est débile, puis Puis le buddy, c'est comme un buddy cop movie, quasiment. Il y a un bromance entre justement Brute. Puis ça, la seule affaire que je vais dire de ce film, de ce trailer-là, qui est mongol, qui est un peu à la Ready Player One, où ce que je pourrais réécouter le trailer fois après fois après fois, là, c'est ils sont, selon moi, malgré toutes les qualités qu'il y a, ils en ont trop monté. Trop montré. Ah ouais, c'est clair. Oui, le Hulk, si j'avais été à la place de la personne en charge, j'aurais montré juste Hulk en vert. Maintenant que je sais que Bruce Banner est là en tant que Bruce Banner, puis il y a un bromance avec Chris Hemsworth, puis qu'il y a une espèce de quasiment briser le quatrième mur, où ce que tu sais, il dit, hey, je suis Hulk, qu'est-ce que tu sais, puis il niaise sur est-ce que j'ai fait une niaiserie, non, non, non, t'étais correct, alors que tu sais, on sait tous que c'est pas vrai, tu sais. Ça, je pense que ça a été une belle surprise. Le monde aurait peut-être pensé, parce qu'il y a beaucoup de monde qui parce qu'il y a un gros clin d'œil à Planet Hulk avec ça. World War Hulk. Ouais, puis où ce que Hulk est en. Il reste en Hulk tout le temps. Ouais. C'est que si le monde avait été au cinéma avec cette espèce de. Cette idée-là, il aurait été encore plus surpris. Maintenant, on le sait. Moi, je pense que c'est juste ça qu'il aurait dû dire non. Tu sais, il y a des beaux clins d'œil, comme quand on voit Loki qui est assis prisonnier dans sa chambre, puis dans son espèce de pièce, puis il est comme « Hey, je vous attendais », tu sais, comme c'est cute, c'est drôle, c'est le fun, mais je l'aurais pas mis dans le trailer. Y a juste moi qui ai eu une vibe, puis surtout, là, on regarde le poster du film, Guardians of the Galaxy. Oui, non, c'est clair. Il y a, Chris de la musique un peu plus mainstream, 80s. Il joue 80s. Pis des couleurs funky pis des formes isométriques sur le poster, des triangles un peu funky, années 70, c'est laquelle. C'est clairement... J'ai un feeling qu'ils ont... Parce que les deux premiers Thor sont bons, mais sont anonymes. Ouais. Ils sont comme sans saveur. Ils n'ont pas de... Ils n'ont pas une vibe à la Spider-Man. Ils n'ont pas une vibe à la Old Man Logan. Ils n'ont pas une vibe, une identité propre à la Deadpool. Mm-hmm. Là, ils ont voulu aller la chercher, mais ils sont énormément inspirés de Guardians of the Galaxy, mais Guardians of the Galaxy sont comme, ils ont une petite vibe un peu plus comme classic rock, on pourrait dire, puis ils ont comme une petite vibe genre disco new wave, on pourrait dire, avec le look, puis c'est ouais. Fun, il y a un petit côté qui me faisait penser aussi à voyons là, tu sais, l'espèce de projet Kickstarter qui ont fait Kung Fury. J'avais une petite vibe, tu sais, le néon, ben, le Grindhouse Theater, Theater et le Far Cry Blood Dragon, tu sais, ça me faisait penser un peu dans ce style-là, là, un genre de absolument grunge electro, puis c'est, moi ça vient me chercher, puis le personnage de Goldblum a tellement pas l'air à se prendre au sérieux, pis ça a l'air tellement bon. Ça fit avec l'acteur en plus. Oui. Puis ça va être. Écoute. Mais toi, Max, là, t'as-tu des trailers que t'as vus qui ont capté ton attention, San Diego? T'as-tu. Justice League? Justice League. Je l'ai regardé, puis bah bon, pour sûr, de toute façon, tout le monde va sûrement aller voir le trailer. À la fin, quand t'es Alfred. Qui entend quelque chose. Ah, they servait, were expecting for you. They were expecting for you. They hope you're not too late. Ou je sais pas trop comment qu'il dit. Tu le sais que, honnêtement. Spoilers! The trailer. Spoilers alert du trailer. Superman est ben pas le Chris, Andrew, Henry Cavill qui est en train de faire des reshoots avec sa mouche solide à la Tom Selleck. Tu sais, pourquoi il ferait des reshoots de Superman? Mais. Par pur et simple. Encore une fois, yes, à la limite, le reshoot de Superman. Aurait pu être du flashback. Un flashback. Ou... Ouais. Mais encore une fois, là, par contre, ils l'ont pas montré dans le trailer, mais il y a plein de photos qui sont sorties de set, tu sais, des set photos, là. Mm-hmm. Parce que tu vois Superman avec les Henry Cavill avec les cheveux longs dans le black suit de Superman, qui est le suit qu'il portait dans Superman 82, ouais. Quand il était ressuscité, whatever, tu sais, qui était clin d'œil à l'épisode de Doomsday en Superman 75. Ouais. C'est comme. Si je suis. DCCU, là, le DC Cinematic Universe ou Warner Brothers ou je sais pas qui. C'est comme, je vois le journaliste puis je dis, Chris, je te mets une balle dans la tête. Là, je veux dire, tu viens. Figurativement parlant, les gens. Pas une vraie balle dans la vraie tête. Mais Guillaume n'a pas menacé personne. Non, non. C'est comme, où. Oui, tout le monde s'en doutait. Tu sais, comme on s'entend dans le premier BVS, là, quand il est enterré, tu vois la terre qui lève. C'est comme. Un petit peu. Mais fuck, tu sais, c'est comme, t'as pas besoin de montrer une photo pendant le tournage avec les cheveux longs puis le symbole. Le monde le savait, les je veux pas dire les vrais parce que ça sonne super péjoratif, mais les fans de BD le savaient ou s'en doutaient. Ah, mais c'est-tu quoi, même le fan commun n'avait pas besoin de le savoir parce qu'il aurait été agréablement sur. Y'a pas personne qui voit Superman arriver puis ils font comme. Tabarnak! Non, tu t'en doutes. Encore lui puis son astuce sous bleu. Pas besoin de montrer des shoots. C'est ça. C'est comme. je comprends de plus en plus Benoît Mercier qui est en de même parce que justement les médias en montent trop puis ben ouais. Des fois ils essaient de faire des genres de blackout médiatiques quand des films sortent, comme quand les Star Wars sortent. Des fois il y a des, c'est comme Walking Dead saison 8 là, en passant un petit segway rapido là, qui est sorti. La bande annonce, pas la belle. J'ai même pas checké encore. Je veux même pas la regarder, j'ai pas fini la 7. C'est ça. Puis là, je faisais mes recherches, je faisais les documents de recherche pour l'épisode. Puis là, je vois genre un Rick Grimes en vie qui me parle. Hey, wow, là, je copie le lien de YouTube, je le crée. Ouais, mais c'est quoi, Walking Dead, par exemple, c'était probablement un fast forward slash flashback. Peut-être, mais c'est ce que j'aurais pu cliquer dessus, ben puis ouais. en prendre plus. Puis j'ai même pas, je suis rendu à l'épisode 13 là, de la saison 7, j'ai même pas encore fini. Tu sais, je veux dire, ça m'a tout pris finir Silicon Valley, puis là, je suis rendu là, tu sais. Mais qu'est-ce qui est cool, c'est que là, il y a eu beaucoup de stock qui est sorti. On arrive à la fin de l'épisode, donc on va être obligé d'y aller un peu plus en rafale. Mais, fait que toi, c'était Justice League. Qu'est-ce qui t'a accroché à Justice League? Qu'est-ce qui m'a accroché? C'est les réactions des gens en général, que ce soit sur Internet ou au Comic-Con, justement. Tu sais, à toutes les fois qu'il y a un maudit film de DCU qui sort, t'es d'accord avec moi, tout le monde dit « Ah, ça va être de la marde, Suicide Squad, ça va être de la style de marde. Wonder Woman, le monde disait ça aussi. Ah, mais là, mystérieusement, Wonder Woman, ça l'a bien sorti, tout le monde adore ça. » Puis le monde, il chialait par rapport à Justice League là, quand il lisait sur Internet. Puis quand ce trailer-là du Comic-Con est sorti, ça a fait à peu près comme qu'est-ce que Guillaume expliquait sur Thor. Le monde a accroché, le monde cheer up, le monde a super out. Puis moi, ça m'a convaincu. Déjà que moi, personnellement, je suis pas un fan de DC Universe, je suis un gars de Marvel. Le trailer m'a convaincu, puis j'ai hâte de le voir. Surtout pour Flash, j'étais un fan fini de Flash depuis la saison sur DCW là, de la série là, fucking cheesy, que je veux revenir là-dessus d'ailleurs, parce que il y a aussi la série de Flash qu'ils ont annoncé la suite de la saison 4 justement au San Diego Comic Con. Une news qui est sortie au San Diego Comic Con qui n'a rien à voir avec les bandes annonces par rapport à Flash, c'est-à-dire le film de Flash sera Flashpoint dans les bandes dessinées, c'est une histoire où il revient dans le passé pour sauver sa mère. Elle a été un peu touchée dans la série. Et dans la bande dessinée, dans Flashpoint, en faisant ça, en sauvant sa mère, le Butterfly Effect fait en sorte que Thomas et Martha Wayne ne meurent pas. Et c'est Thomas Wayne qui devient le Batman. Oui. Et qui joue Thomas Wayne dans le Batman vs. Superman. Monsieur Negan. Negan? Oh! Donc, Negan pourrait potentiellement être Batman dans le prochain film de Flash. Parce qu'il va tomber dans le Flashpoint. Ou est-ce que ça ne sera C'est de la spéculation à n'en plus finir. Mais l'acteur de Negan aurait été interviewé, était passé en entrevue et aurait un peu joué la game de genre qui n'aimerait pas jouer Batman. Je ne peux pas en dire plus, vous savez. Mais il est tellement bon, ce style acteur-là, puis ça me fait chier d'oublier son nom présentement. Si vous avez pas écouté le film The Losers, qui est inspiré d'un comic book aussi, Jeffrey Dean Morgan, merci la limette. Jeffrey Dean Morgan, qui joue dans The Losers, qui est inspiré d'un autre comic book, était un film d'action qui a passé carrément inaperçu. La preuve, c'est que j'ai aucune idée c'est quoi. Puis écoutez ça, à un moment donné, c'est vraiment fucking nice. C'est un bon art style. Il y a un pinto dedans pour les car buffs. Mais anyways, ça va être fucking bon, Justice League. Moi, il y a une affaire, par exemple, que j'ai de la misère. Soyez avertis, il y a beaucoup de CGI. C'est un peu le hard style de DC qui me gosse. Oui, mais en même temps, tu peux pas faire un film de super-héros sans du CGI. J'ai vu beaucoup de gens critiquer le CGI. Exemple, la shot avec Aquaman qui passe à travers un building, puis tu vois comme... Mais tu sais, c'est peut-être du rough cut. Oui, je sais de quoi tu parles. Tu vois comme... ça a l'air comme, mais c'est souvent ça peut être du rough cut, ça peut être pas comme amélioré. Ah, mais c'est quoi, l'art color correction qui me gosse de DC. Je viens mettre le doigt dessus. Ça, c'est le Zack Snyder effect. Le style Zack Snyder effect où tout est fucking le contraste. Il a fait comme, you know what, fuck you, man. Il crisse dans le pit. Ben, ça, le rouge de, est ça flash. De 300, là, ça me gosse, man. Le art style de leur film me gosse, mais le film en tant que tel a de l'air bon. Moi, ce qui me gosse, c'est justement Flash. Tout le monde qui connaît un peu Flash, Scarlet Speedster, les éclairs bleus. The hell ouais, is normalement, this? C'est jaune, rouge, oui, noir. C'est jaune, rouge. Normalement, c'est jaune pour Flash, c'est rouge pour Reverse Flash. Ouais. Puis c'est Savitar qui a les éclairs bleus, parce que plus t'es rapide, ça vire vers le bleu. Ouais. avait Thor ou Zoom, pour ceux-là qui connaissent un peu plus la série ou la limite qui dit le trailer de Thor a beaucoup de CGI aussi. Ouais, mais il est pas oui, mais il est pas color coded comme non, Justice c'est ça. League. Mais c'est pas juste quoi de la couleur, c'est les animations, c'est le rendu, c'est comment le personnage va bouger comme... C'est juste weird un peu on dirait. On va y aller rapidement, il y a des trucs qu'il faut mentionner puis il y a des affaires qu'il beaucoup va falloir suivre. Stranger Things volume 2. J'ai-tu out? Tabarnak, man. Honnêtement, là, j'écoutais ça, ma blonde est comme wow. Étienne sur Facebook, un des chums du collectif, il était avec nous autres justement à Comic-Con. Étienne qui fait comme hey, fuck ton Game of Thrones, man. Y a-tu quelqu'un qui peut dire que Stranger Things, j'ai fucking out? Jack Yates. Saison 2 de Stranger Things, ça va être fou en octobre. Westworld season 2. J'ai même pas encore essayé Westworld. Faut que t'écoutes la saison 1 de Westworld. C'est vraiment space. Mais c'est le Do Androids Dream of Electric Sheep 2017. Faut faire attention Western. Quand on parle de Westworld. Parce que tu peux facilement. Regarde. Tu peux facilement scraper l'expérience de quelqu'un si tu parles trop. C'est qu'on n'en parlera plus. Exactement. Mais écoute-le. Fait qu'en réalité, écoute Westworld, la saison 2 reprend exactement où la saison 1 a terminé. Fait que ça, c'est génial. Pour les fans Gifted, de BD. The Gifted. Ouais, pour les fans de BD, il y a 3 séries, en fait. Ouais. De BD. Defenders, on s'entend. T'as écouté en fait, Netflix dans les dernières années. T'as trippé sur Defenders. C'est un mash-up des affaires que Netflix ont sorties dernièrement. Ça, ouais. Fait que tu vas aimer ça, tu sais, Netflix qui te rewash toute la même affaire. Puis il y a des gens qui, chez Netflix et chez les acteurs qui ont dit de façon... non officiel qu'ils vont pas répéter les mêmes erreurs qu'ils auraient faites avec Iron Fist qui était comme la moins appréciée des séries. On va oublier Iron Fist. Mais donc c'est ça, Iron Fist, je me souviens pas. C'est ben le fait que Defenders premièrement il est pas là tout le temps, tu sais, il partage le spotlight. Mm-hmm. Mais sinon Marvel Inhumans qui va être à ABC qui est un peu un genre de penchant. Il y a un penchant, c'est comme un peu genre le yin du yang pour Shield, Agent of Shield, le mm-hmm. Inhumans. Ça c'est la série dans laquelle il y a le gars de Game of Thrones qui joue dedans puis fait le bad guy, hein. C'est le gars de Misfits qui est devenu le gars de Game of Thrones. Ramsay Bolton, ouais. Devient. Je l'ai connu juste à partir de Game of Thrones. Dude, okay. C'est un excellent acteur. Je fais un aparté, là. Tous ceux qui avaient écouté Game of Thrones puis vous avez trippé sur Ramsay Bolton, allez fucking écouter Misfits. C'est une série britannique, c'est sur Netflix. C'est des jeunes délinquants juvéniles qui font des travaux communautaires, qui se font frapper par la foudre puis qui prennent des superpowers. Mais c'est pas cette série-là qui commence full bien mais qui vire un peu bizarre ou c'est la non, non, non, c'est bon de A à Z. Ils non, font une version avec Lost, je pense. Sacrément. Mais ils font une version américaine de Misfits présentement. Mais c'est elle, fucking je pense que j'ai entendu des sauf que Misfits, c'est juste génial. Là, on a The Defenders. On a Marvel's Inhumans qu'on a couvert. Puis on a Krypton que j'ai out. Que j'ai fucking out. Ça va être bon. J'ai l'impression que c'est genre la version cheap des derniers films de Superman. En fait, Krypton, de ce que j'ai lu, ça se passe, comme le nom l'indique, sur Krypton. Puis c'est un peu un genre de prequel. C'est comme l'histoire ouais, de Jor-El. C'est un peu tout ce qui est... Mais... J'ai même pas encore écouté la bande-annonce, malgré le fait que j'ai fait les recherches pour ça. J'ai juste pas eu le temps de l'encore écouter, mais ce que j'ai lu était quand même très positif. Puis c'est sur sci-fi. C'est qu'en général, sci-fi vont pas trop adolescentiser la série. Le seul fuck, là, c'est... OK, on va se dire les vraies choses. T'écoutes de la sci-fi, t'écoutes des téléséries, tu vas sûrement comprendre ce que je dis, mais Krypton, c'est le Caprica de Battlestar Galactica. Oui, okay? Je suis d'accord. Battlestar Galactica, ouais. C'était la fucking coche. Puis Krypton, c'est genre... OK... Je connais le setup. Mais je pense que. Je sais qui. Puis Sci-Fi vont sûrement le canceller après 2 saisons. Parce que Sci-Fi, ils donnent toujours 2 saisons. Ouais. Defiance, mais... we're looking at you. Defiance, ça Supergirl, ça l'avait un peu ça. 3 saisons. Supergirl, c'était un peu ça. C'est une série qui, en fait. On va le faire. On a une démographie très précise. Mais on se donne pas trop des objectifs irréels. C'est comme mais... trop utopiste. Mais ça marche dans le créneau que se sont donnés. Je dis pas que Supergirl puis Krypton c'est le même créneau, c'est la même publicité. Supergirl le fuck, c'est que c'est le network qui l'a starté le problème. NBC n'aurait jamais dû avoir le IP de Supergirl. Sauf que CW était trop pissou. Fait que c'est là que c'est cool parce que NBC ont testé Supergirl puis ils ont fait comme c'est quoi, c'est cool mais c'est pas vraiment notre créneau. Pis CW ils ont fait genre bon, mais t'as prouvé qu'il y a une socio-démo qui vont triper là-dessus. Nous autres on va scoop in, on va prendre ça, on va prendre ça, on va l'amener chez nous. Fait que tu sais, ça c'est cool. Le dernier, j'ai vraiment peur, mais je suis vraiment hypé puis j'ai hâte de le voir. The Gifted. Moi, je pense que ça va marcher. Ça va marcher, mais sais-tu quoi? Ça fait très... Fox! Fuck Fox! Ils cancellent toutes les hosties de séries que j'aime. Le seul problème, moi, qui me fait peur, là, c'est que le showrunner ou que certains writers prennent une approche très Heroes. Parce que la prémisse... Ah, oh, tabarnak, c'est pareil. Le gars ressemble à l'acteur des Heroes. Il est là pour capturer des gens avec du pouvoir comme dans Heroes. Puis il devient bon comme dans Heroes. Ah, mais au moins, il est pas comme dans True Blood pour remplacer Milter qui est pas là. Il joue pas le rôle d'un vampire androgéné homosexuel qui se promène en caméra. En effet. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que les personnages secondaires qui un peu chapeautent la famille, qui semble être la famille d'acteurs principaux, c'est des personnages qu'on voit, exemple, dans Days of Future Past. C'est des personnages sans être les AAA de comic books. C'est pas des Wolverines, c'est pas des Colossus, c'est pas des Professor X ou Cyclops. C'est juste en dessous. C'est pas des nobody comme mettons dans Deadpool. On s'entend, on se cachera pas là, la petite fille dans Deadpool là, qui suit Colossus partout, c'est une fucking nobody que personne connaît à part si tu lis toutes les crises d'X-Men. Mais eux, même moi qui j'étais un gros fan de BD, mais je lis pas tout religieusement, puis tu sais, j'ai reconnu les mêmes pouvoirs que dans certains des personnages de Days of Future Past, où c'est des noms que j'ai vus un peu partout. C'est que selon moi, ça a des bonnes chances. Ça n'a pas la même approche qu'un Legion, mais Legion a permis, par son succès et par sa façon d'être, de faire un The Gifted. Ouais, mais Legion a une niche très précise qu'il exploite versus The Gifted, que moi j'ai peur pour ça, pour une chose. Premièrement, je veux aimer la série, mais tes effets visuels, on dirait un fucking tutoriel de Video Copilot. Là, on s'entend, là, comme va sur YouTube, check Video Copilot. Puis tu vas dire, calice, c'est The Gifted. Ben non. C'est en espérant, encore une fois, que ce soit gratuit. Du rough cut. Fait que j'espère que c'est du rough cut. De deux, c'est Fox, que Fox sont réputés pour charcuter leur télésérie. Ouais, les Fox, c'est les pires. Fox, c'est les pires estinants fans de chienne, parce que moindrement que t'aimes de quoi, ils vont le canceller. Sci-Fi, tu sais que t'as deux saisons. T'sais, ils vont faire comme la première était pas si pire, on va laisser la deuxième. Puis là, la deuxième, ils font comme. Finalement, c'est-tu quoi? C'était vraiment. Celle de trop. Pas bon, on l'a cancellé puis ça va arrêter là. Mais tu vois, pour ça à faire, pour revenir à Krypton, c'est le genre de série qui honnêtement devrait s'en tenir à une seule et unique saison. Tu peux pas y tirer à la sauce, dépendant d'où est-ce qu'il start dans le prequel de l'histoire, genre un peu Superman. Une mini-série, oui. C'est ce que j'aime des Britanniques. Tu sais, les Britanniques ont tendance à faire, sais-tu quoi, on va faire une télésérie puis ça va être correct. Elle a un début, elle a une fin, puis on s'en fout ce que la maison de production a dit. Parce que on va se dire là, Fox puis 20 Prison Break, c'était exactement ça. C'était des séries qui avaient un début, qui avaient une fin, puis le troisième acte. Qui avait une idée de ce qu'elle allait faire au milieu. Mais ils savaient exactement quand ça allait commencer. Lost, au début, il y avait une idée de comment ça allait finir, mais ça, les writers après ça, ils sont partis. Mais ça, ce qui arrive, c'est que la maison de production, le poste, Fox par exemple, ont comme oh my god. Notre démographique, est-ce on a genre le triple de l'auditoire, on vend nos publicités, genre le quadruple du prix qu'on pensait. Non, non, tu me fais une deuxième saison. Là, tu viens de faire une deuxième saison, t'es tiré la sauce. Hey, mais on a encore de l'auditoire, fais-moi une troisième saison. Mais les tabarnak, le writer, il commence à spinner n'importe quoi. Puis c'est ce qu'on appelle dans le domaine de l'animé du filler. Oui, exact, mais c'est ce que c'est. À un moment donné, c'est du filler qui a plus de end content, puis là ça donne que c'est rendu comme dans Lost, n'importe quoi. Puis Prison Break à la fin c'était rendu du n'importe quoi. C'est là que les codes d'écoute drop, c'est là que justement la qualité drop, c'est là que ça se fait. C'est là que les Britanniques ont une avance, tu sais, des séries comme mettons The Good Cop ou des affaires de même. The Fall. Allez checker BBC. Sherlock. Là, oui. Sherlock, Chris, hey, la dernière saison il a fallu qu'on attende longtemps. Puis même si le monde a été sur la manière que ça finit, moi j'ai adoré de la manière que ça finit. Mais t'as des téléséries où. Il y a une raison pourquoi ça finit. Tu sais, mettons, pogné de Pacific puis Band of Brothers, que ils savaient comment ça débutait, ils savaient comment ça finissait, puis ils ont été faire une méga production avec ça. Puis j'ai juste peur de certaines choses où ce que c'est là, où, tout comme au cinéma, on a des maisons de production, des postes de télé, commencent à s'approprier des IP. Puis tu sais, on s'en entend-tu, c'est rendu... fucking clever là, c'est comme le Chinese bootleg de quelque chose. T'sais, on a Fox qui fait comme The Gifted, on n'a pas la licence d'X-Men, on peut pas appeler ça X-Men, il y a un petit X avec un rond sur le I pour juste stipuler genre remember it's X-Men, petit clin d'œil tout le monde, wink wink, on est heureux. Puis je trouve juste que tabarnak man, ces postes là sont déjà prédisposés à scraper de quoi. Fait que un moment donné, c'est comme t'avais la version, là, il y avait une émission canadienne de mutants ou quelque chose de même, que c'était super pas. Je vais faire, je retrouve c'était quoi le style de nom, là. Mais en fait, comme 2-3 saisons, c'était super cheesy, les CGI étaient à chier, mais au moins, ça prétendait pas d'être X-Men. Moi, le seul fuck que j'ai avec ça, c'est que Fox, qui font The Gifted, pis là, c'est comme, hey, on est X-Men, mais on vous le dira pas. Pis, tu sais, t'as d'autres postes, comme genre, mettons, ABC, qui vont faire les Inhumans. Mais là, ça, c'est brandé Marvel's Inhumans. T'as d'autres postes, comme Netflix, parce que j'appelle ça un poste à Star Netflix. Mais c'est un poste. C'est un poste. Je laisse ma TV, c'est un poste. Ça existe. C'est la chaîne. C'est un diffuseur. Un diffuseur. Fait que Netflix, qui font The Defenders, c'est brandé Marvel, tout le kit. Puis je trouve l'approche de Fox un peu sneaky. Ouais, mais Fox puis Marvel sont en guéguerre depuis longtemps. Ah, since forever. À cause de, justement, X-Men / Wolverine. Je veux dire, c'est à cause de ça que, justement, puis Fantastic Four aussi. Sauf que Fantastic Four, ça existe pas, Fantastic Four. Non, mais tu sais, les BD ont été cancellés. Wolverine a été tué à cause, justement, que Marvel va mettre... Ah, tabarnak, excuse-moi. Olivier Ferron, Mutant X. Olivier, man, fuck yeah, la limite Mutant X. Je suis désolé. Guys, je vous adore. C'était Mutant X. C'était la version canadienne de X-Men. Fucking à chier, mais hot en même temps. Excusez. Ben, c'est bon, nos auditeurs sont là pour nous sauver la... nous aider à trouver nos référents nos références douteux. Et nos réponses aux questions. Exactement. Fait guys, en réalité là, bon, OK. Vous faites un pic, quelque chose que vous avez fucking out qui va sortir, on close le show là-dessus. Max, Pacific Rim 2. John Boyega. John Boyega, je me souvenais même plus que c'était le lead cast dans le film. Uh-huh. Quand j'ai vu le trailer avec GLaDOS, mais c'est pas GLaDOS là, la voix du AI, puis que j'ai vu après ça John Boyega, puis j'ai fait comme ah, man, c'est vrai, c'est lui qui loue le lead cast. Puis là, je vais en voir sur IMDb. Je suis comme, asti, c'est le fils du Black que t'as dans le premier film qui saigne du nez par cause des radiations or some shit. Fait comme, ok, nice. Là, je trouve ça poche, évidemment, qu'il n'y ait pas Charlie Hunnam dedans. Parce que c'est son, comme. Mais d'un autre côté, ça a l'air fucking nice, Gypsy. Par contre, je suis content que. Je me souviens jamais du nom de la fille japonaise qui joue dans le film. Mm-hmm. Je suis content qu'elle soit là. Sais-tu qui j'espère qu'il va être là? Lequel? J.J. Abrams. C'était-tu J.J. Abrams qui faisait le gars avec le tatou du Keiju? Non, Kaiju, mais il est dans le film, je te le confirme. Je bon, mais pas si son lui nom, est là, justement, le les gars deux, qui les faisait deux un mind meld avec le Kaiju. Les deux scientifiques qui sont toujours là en train de dessiner, les deux sont back. Il ressemble à J.J. Abrams, pour ça j'ai dit. Okay. Il a fait fucking face. Fait que lui qui a le Kaiju tatoué et le kid, j'étais content qu'il soit là. Mais t'as raison, Pacific Rim, j'ai vu ça, j'ai fait comme... Sais-tu quoi? Je suis content qu'il fasse un Pacific Rim 2, man. Ça va être fucking bon, ça. Autant, c'est pas un film qui va être super populaire. Ce sera jamais le film de l'année, mais maudit que c'est divertissant. Ah, Chris, oui, c'est comme notre alternative au genre de gros film de Godzilla, mais américain. Ouais. Ben, sans vouloir essayer d'être Godzilla, c'est sa propre identité. Toi, Guillaume, qu'est-ce que t'as hâte? Si on parle, on reste dans le film et la série télé, ce qui m'a marqué le plus et ce qui me rend le plus hype, c'est vraiment Thor Ragnarok. Mais si on parle de nouvelles en général, là, dans tout ce qui est sorti, puis tout le volet qu'on n'a pas touché du tout dans l'épisode, mais qui va être dans nos notes quand on va poster l'épisode sur le site web, c'est l'annonce comme quoi qu'il va y avoir une nouvelle série de Cyberforce en bande dessinée pour fêter le 25e anniversaire de la série. Je suis un fan fini de Cyberforce, des OG, là, les années 90, là, qui a, dans le temps, c'est des Image Comics, là. Créé par Mark Silverstreet, c'est lui qui va faire toutes les covers de la série. Donc 25 épisodes ou 25 séries. Voyons, 25 BD pour le 25e anniversaire de la série. J'achèterai sûrement pas les 25, mais sûrement acheter genre les 2, 3, peut-être 4 premiers, puis ça va aller en paperback. Sinon, Marvel a annoncé que Tron, General Tron, va avoir sa propre série de BD aussi pour aller de pair avec le reste des BD. Pour votre information, ceux qui sont fans de Star Wars, je vais finir avec mes actualités, qui sont pas vraiment des actualités, mais juste pour mettre un peu un contexte. Tron est a été recyclé du Legends. Ils ont ramené Tron dans le canon officiel. Donc, General Tron est maintenant là. Mais General Tron, maintenant, au lieu d'être après les 7-8... Dans le fond, être après la trilogie originale, parce que dans la légende, il était loin. Maintenant, se situe entre le 4... Entre le 3 et le 4. Il est là dans Rebels. Oui, c'est entre le 3 et le 4. Parce qu'il y a un livre qui est sorti en ce moment, puis on fait la découverte de Tron dans le livre, qui est aussi écrit par Timothy Zahn. Mais dans le Rebel, dans la série Rebels, il est là aussi, ouais. Puis il est fucking badass. Ouais, mais c'est ça, mais il va avoir une BD en plus. Là, moi, je suis en train de lire le livre de Tron en ce moment. Je vous en parlerai quand j'aurai plus avancé, quand j'aurai fini peut-être. Là, il y a une BD qui s'en vient, ça j'ai bien hâte. Les BD de Star Wars chez Marvel sont des les gros titres là, c'est Star Wars, Darth Vader, Tron Von Eitern, c'est des sont des comment je peux dire ça, des c'est de la qualité garantie. Les titres secondaires sont pas toujours bons, mais Tron ça va être bon. L'équipe qui est dessus est très très très bonne. C'est que c'est ça qui m'a marqué. Ready Player One, ça m'a marqué, c'est incroyable. William Dubé 2004, allez vous abonner à ma chaîne, j'ai fait des vidéos Minecraft et de Gmod et de tout un tas de jeux si vous voulez. Excuse-moi de te décevoir, abonnez, William. J'ai 14 t'es... abonnés, merci ma chaîne, deleted link. T'es vraiment pas dans le bon public, c'est ben, William. Non mais allez vous abonner à la chaîne de William Dubé 2004 sur Twitch. Minecraft, là, faudrait t'avoir. Il fait des vidéos de Minecraft, puis son link est deleted, mais c'est pas grave. Fait que. Milter, parle avec Milter, William. Ah, parle avec Milter. Ah, oh, oui, mais, tu vas avoir du fun avec. Bon succès avec ta chaîne. Non, mais le gars, il essaye. C'est un self-promoter, là. Il fait de la pub, puis il aime ça. Fait que, moi, je vous dirais, là, il y a deux choses. Premièrement, ben, c'est sûr et certain. Ready Player One, j'ai hâte de voir le film, ça va être excellent. Tu m'aurais dit autre chose, André, je t'aurais pas cru. Mais il va falloir que je regarde le livre avant vraiment d'apprécier le trailer, parce que moi, quand je l'ai vu le trailer, j'étais comme, what the hell is this? Ben, c'est too much de stuff. Le trailer, c'est du bon visuel, c'est du genre, tu comprends-tu c'était quoi le livre? T'as-tu lu le livre? On te sécurise. Le trailer servait à sécuriser les lecteurs. Il servait à mindfucker toutes les autres. Ok, il va falloir que je me fie au livre pour avoir une deuxième idée de ça. La deuxième chose que j'ai hâte, c'est quelque chose qui est peut-être pas 100% Comic-Con related, mais on a un certain Kevin Smith qui est apparu dans un Facebook Live avec un certain Todd McFarlane récemment. C'était en plein pendant le Comic-Con, en fait. C'était en plein pendant Comic-Con, puis Codice, man, un nouveau film de Spawn. Spawn qui est un de mes péchés, qui est un des films... j'ai aimé Mario Bros avec John Leguizamo. Et t'as aimé Spawn avec Michael J. White. Et j'ai aimé Spawn avec John Leguizamo. J'allais détester. Non, mais c'est parce que c'était bon parce que c'était mauvais, mais c'était surtout bon parce que c'est comme. C'est le seul film de Spawn qu'il y a. Fait que présentement, je vais avoir un nouveau film de Spawn. Everything is good, man. Il y a des bonnes séries qui arrivent. Vont-tu bring back Leguizamo dans le film? Ouais. Il y a 3 ans. Quasiment jour pour jour. En fait, un jour après l'annonce de Spawn, Facebook me dit, m'a donné un genre, hey, rappelle-toi, genre, tes mémoires. Puis, il y a 3 ans, Todd McFarlane avait annoncé qu'il allait avoir des nouveautés avec le film de Spawn, mais finalement, il n'y avait rien eu. Mais là, la nouveauté intéressante, c'est que il y a une compagnie de production associée à ça, ce qui n'était pas le cas avant. Et une chose qui me fait peur, mais je vais laisser la chance au coureur parce que j'adore Todd McFarlane, c'est mon bro de comic book creator, là, je l'adore, je suis un fan fini de Spawn, c'est lui qui veut réaliser le film. Ça me fait peur parce qu'il n'a jamais réalisé de film. Ouais. C'est déjà arrivé dans le passé que des gens faisaient des first time directing puis ça marchait. Le gars, il a du talent qui sort par les oreilles, mais j'espère qu'il va être bien épaulé. Puis en effet, oui, il y a aussi Sam & Twitch qui va être une série cartoon. Ce Sam & Twitch, c'est les deux détectives dans l'histoire de Spawn qui essayent de suivre un peu, c'est comme les espèces de... Attends, c'est un Spawn Cinematic Universe? Oui, mais c'est des... Un SCU? C'est un spin-off, en fait. C'est un peu un genre de Agent of S.H.I.E.L.D. pour les Avengers. C'est comme c'est en parallèle, point. Mais c'est pas grave. Je pars puis je continue. Guys, j'ai envie de pisser. Ça fait 2 heures. On a soif encore. On a soif encore. C'est la fin du show. On va arrêter ça là, malheureusement. C'est triste, on arrête ça, c'est fade. On a fait le tour de Comic-Con, on a fait le tour de nos actualités. Vous avez peut-être trouvé qu'on avait juste parlé d'un certain volet de Comic-Con, mais quand on va publier l'article, l'épisode sur notre site web, je vais mettre toutes les notes dans l'épisode, donc vous pouvez voir les autres notes qu'on avait, qu'on n'a peut-être pas nécessairement discuté. Parce que tu sais, d'un autre côté, on a quand même une limite de temps pour faire nos trucs. À moins que ça dure 6 heures, mais je suis pas sûr que le monde va écouter 6 heures de suite. Hein? Je suis pas sûr que je vais toffer 6 heures non plus. Moi fait non guys, plus. Max, les gens qui voudraient interagir avec toi, on te retrouve où exactement? Sur toutes les plateformes de médias sociaux et Steam pour les jeux vidéo, on cherche The Guitarist, Maxime Gagnon ou MaxPerdu underscore 411, vous allez me trouver. Guillaume, les gens qui voudraient interagir avec toi, on te retrouve où? Vous pouvez me trouver, je vais le plugger mon site web, guillaumehamel.com. Ça va peut-être me donner un petit coup de pied au derrière afin de pousser mon effort à le remettre en ligne parce qu'il est comme en maintenance depuis 6 mois. Ouais, mais ça fait comme 6 mois, je me dis, let's go, botte tout le cul. Puis là, si je le plug, je vais me dire, là, au moins, le monde va attendre après, puis je vais le faire. guillaumehamel.com. .com. Les gens qui voudraient interagir avec moi, André Paquette sur Facebook, sinon Uzumaki QC sur pas mal tout ce qui existe. Nous sommes Geek Collectif, le podcast, c'était l'épisode 95. On a Milter et Eric qui sont absents ce soir. On passe à J'espère eux. J'espère que vous êtes corrects, guys, ça va bien se passer. On se revoit dans deux semaines pour le prochain épisode. Et sur ce, ben, allez sur geekcollectif.com, sinon sur facebook.com/geekcollectif le podcast. Et on accepte également vos dons sur Patreon, patreon.com/geekcollectif. Et ben, ça va nous aider à garder les lumières ouvertes. Sur ce, guys, passez une bonne soirée. Un gros merci aux gens qui étaient avec nous sur le live. Et on se revoit dans deux semaines. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.